Bonsoir, on va commencer. Merci d'être présente du coup avec mon salon pour cette nouvel épisode des Dark Series, une histoire au long cours. Donc pour ceux dont c'est la première visite au sein de ce programme, je vais introduire un tout petit peu les choses avant de laisser la parole à Émilie Noteris et à nos deux invités du soir, donc Pierre Zaoui et Mathieu Pote-Bonneville, que je remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je ne me suis pas encore présentée, je suis Garance Malivelle, donc co-commissaire de l'exposition Coworkers à Béton Salon avec Mélanie Bouclou, qui est directrice donc, de Béton Salon. En parallèle de cette exposition, on a conçu un programme d'événements assez dense qui est donc intitulé Dark Series, qui est organisé avec Barbara Coito, ici présente. Donc l'idée à travers ces événements, c'est d'aborder les transformations environnementales à travers un prisme élargi, qui prennent en compte les questions économiques, sociales et culturelles qui les sous-tendent. Donc on rassemble à la fois des artistes, des chercheurs, des activistes, parfois des commissaires d'exposition. On travaille beaucoup avec des étudiants pour certains des événements, donc des philosophes, des écrivains, qui sont engagés dans différents champs d'action et qui donc apportent des éclairages différents aux questions liées au rapport qu'on entretient avec notre environnement, et plus largement également à la question du désastre et à la possible reconstruction collective au désastre. Donc ce programme se déroule jusqu'à la fin du mois de janvier et se décline en différents formats, que ce soit des ateliers participatifs, des assemblées ou des conversations comme c'est le cas ce soir. Donc je vais présenter rapidement Émilie Noteris aussi qu'on a invitée dans le cadre de ces Dark Series, à la fois pour la conception d'un atelier d'écriture et pour un cycle de conversation qui est donc intitulé « Pensée spéculative ». Donc c'est la deuxième séance ce soir. On a déjà reçu Alice Carabédian il y a 2 semaines à peu près, qui était venue parler de l'utopie de Yann Banks. Et la troisième séance aura lieu le 13 janvier avec Stéphane Roth et Stéphane Héloïse Gras, qui aborderont, un regard écologique post-catastrophique, donc dans le domaine de l'acoustique. Donc ce soir, on est plutôt dans le domaine de la philosophie. Ben, je te laisse peut-être présenter Mathieu et Pierre. Bonsoir. Je vais vous présenter rapidement Mathieu Pote-Bonneville et Pierre Zaoui. Et puis ensuite, je vais juste introduire la rencontre en lisant un extrait de texte qui m'est venu à l'idée quand j'avais formulé cette demande d'envisager la post-catastrophe. Donc Mathieu Pote-Bonneville est maître de conférence à l'ENS de Lyon, ancien président du Collège international de philosophie et cofondateur de la revue Vacarme. Il est actuellement responsable du pôle Idées et Savoir à l'Institut français et a produit un certain nombre de livres autour de Michel Foucault, dont il était spécialiste. Enfin, dont il est toujours, mais... Non, c'est bien. Voilà. Pierre Zaoui enseigne la philosophie, la littérature et l'art contemporain à l'Université Paris Diderot, donc ici même. Il est l'auteur de Spinoza, la dérision de soi, c'est ça ? La décision de soi. Je n'arrive pas à me relire, j'ai écrit au lieu de taper à la machine. C'est joli, la dérision de soi. Et j'arrive plus à me redire du tout, donc c'est une catastrophe. Voilà. Bref, bon, bah, je suis incapable de me relire. Donc, 2-3 ouvrages, dont un dédié à la catastrophe et un autre lié à la disparition. Alors, par contre, comme c'est tapé à la machine, l'extrait sera beaucoup plus facile à lire pour moi. Donc il s'agit de Sentir le grisou de Georges J. Huberman, qui a été publié en 2014, donc assez récemment. Le grisou étant un gaz incolore et inodore, il était d'usage autrefois, je l'ai dit, de faire descendre dans les puits de mine des oisillons en cage. Quand ils se mettaient à trembler ou à gonfler leur plumage, on sentait, ou on pensait voir, venir le moment du danger. Il entre sans doute quelques superstitions dans cette pratique, consistant à déléguer au bel animal la préscience du voir venir. Il n'est pas impossible non plus que l'observation aiguisée de ces plumages divinatoires ait aiguisé la capacité chez les mineurs de sentir le grisou par eux-mêmes. N'entrerait-il pas dans la fonction des images de se comporter comme le plumage de ces oisillons prémonitoires? Lorsqu'une image se met à trembler ou à gonfler, ne sommes-nous pas au bord de voir venir quelques moments décisifs et au pire des cas, quelques événements catastrophiques? Les images, comme ces oisillons, servent aussi à cela, à voir le temps qui vient, à démonter le présent en remontant vers le passé, en remontant le passé, en délivrant de là quelque indice pour le futur. Elles servent aussi à remonter le présent et voir venir l'avenir, à travers un certain passé, de manière que chacune des 3 temporalités éclaire, souligne, ponctue, critique, délivre les 2 autres. Voilà. Je vais leur laisser la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si on m'entend. M'entend-on ? Ah, non. Je ne sais pas. Oui. Moi, je ne m'entends pas, mais... Je pense que c'est juste pas assez fort, non ? Ah, si, maintenant j'entends quelque chose. Ouais, c'était pas assez fort, c'est tout. Oui, c'est bon, je suis là, c'est bon. On va prendre celui-ci, vous inquiétez pas. Je suis la marche. Elles tournent tous les boutons, elles savent pas du tout lesquels. Marche et fonctionne, elles font semblant, mais moi j'aurais pu le faire aussi. Je crois que j'en étais à bonsoir à toutes et tous, merci Pierre. De ces remarques. Alors moi je suis parti un petit peu de, non pas de, la de l'intitulé français de cette séance, mais de sa traduction anglaise qui introduisait la notion d'imagination, cette idée que imagining, cette idée que cette question posée, savoir si et comment il était possible ou impossible ou difficile ou urgent d'imaginer l'après-catastrophe. Or, il me semble, je ne vais pas faire autre chose que de vous proposer un certain nombre de pistes de réflexion à partir de cet énoncé, en tâchant de le tordre dans divers sens, en commençant par remarquer que imaginer l'après-catastrophe, la proposition, la question, la sollicitation peut s'entendre de deux manières différentes. Elle peut s'entendre comme l'indication d'une difficulté, autrement dit, la catastrophe serait ce qui, par définition, ne se laisse pas imaginer, ou en tout cas suspend toute possibilité d'imaginer ce qui la suit, de sorte que d'un côté de l'abîme, on ne peut absolument pas se représenter ce qui se trouve de l'autre. Il y aurait donc une difficulté spécifique à se représenter en image, pour prendre cette définition très, très, très légère encore de l'imagination, ce qui peut suivre une catastrophe. Un certain nombre de conséquences découlent de cette difficulté. Ou bien, deuxième manière d'entendre l'énoncé, imaginer l'après-catastrophe, ce serait l'indication d'une exigence. La catastrophe étant donnée, la catastrophe étant peut-être inévitable, il est indispensable de pouvoir se figurer une suite, un avenir, afin de la surmonter et, comme on le dit dans le vocabulaire étrange de l'entreprise, d'en sortir par le haut. Je ne suis pas sûr que sortir par le haut des choses soit toujours la meilleure manière de s'en sortir, mais vous voyez l'idée. Je pense que le nuage entre ces deux manières d'entendre notre problème, entre cette indication d'une difficulté propre à l'imagination d'après-catastrophe et, au contraire, cette idée qu'il est plus urgent que jamais de se figurer ce qui suit, ce nuage est relativement compliqué. D'un côté, on pourrait dire que la difficulté à se figurer l'ampleur d'une catastrophe, la réalité de ses effets, elle a pour principale conséquence de rendre inefficaces les appels à s'en prémunir, les appels à l'éviter. Au fond, c'est parce qu'il est très difficile de faire fonctionner son imagination jusqu'à avoir une conscience suffisamment vive, suffisamment directe de ce qui va nous arriver de pire, que nous sommes incapables d'éviter précisément le pire. Donc, il serait de ce point de vue-là absolument important de se faire au contraire une représentation extrêmement vive, mobilisatrice et calamiteuse en même temps, avec des choses affreuses qui vont nous arriver. En même temps, on pourrait penser exactement l'inverse. On pourrait penser que l'enjeu aujourd'hui n'est pas du tout d'agiter le spectre de la pré-catastrophe comme une chose terrifiante, de manière à pouvoir éviter d'y sombrer, mais on pourrait considérer que la catastrophe est de toute façon tellement certaine la catastrophe est de toute façon déjà tellement inévitable. Nous avons déjà, pour reprendre une métaphore assez courante dans le débat sur l'écologie, je vais revenir sur l'écologie dans un instant, nous avons déjà quitté la route. Il n'est plus question de freiner ou de changer de direction. Nous avons déjà quitté la route. De ce point de vue-là, l'heure n'est plus aux avertissements. L'heure est au contraire à retourner entièrement la représentation qu'on peut se faire de ce qui va arriver, de manière à identifier des possibilités, des potentialités, de manière à repérer d'ores et déjà des prises et des éléments ou des ferments qui reconstituent du possible. Je pense que, au fond, il y a une alternative ou une forme de dilemme qui est assez présent dans la conscience contemporaine, qu'on pourrait énoncer ainsi. D'un côté, c'est parce que la catastrophe est inimaginable que nous ne parvenons pas à l'éviter. D'un autre côté, c'est parce que la catastrophe est inévitable qu'il est indispensable de l'imaginer. Et de l'imaginer à nouveau frais. Imaginer d'une autre façon. En disant cela, je pense ce que je dis, qui peut paraître épouvantablement abstrait, me paraît au contraire très incarné, parce que c'est un dilemme qui traverse au fond toute la réflexion sur l'écologie et la manière d'inscrire les préoccupations environnementales, préoccupations des dangers qui nous menacent vis-à-vis de l'environnement, dans l'horizon de l'action. Comment faire vis-à-vis de la crise à venir ou de la crise déjà présente? De ce côté-là, il y a une grande fracture dans le débat contemporain, qui est en même temps une fracture philosophique. Entre ceux qui disent il faut absolument développer un catastrophisme, éclairé ou pas, mais un catastrophisme, et ceux qui leur répondent ça n'est plus l'enjeu du moment. L'enjeu du moment, c'est déjà de penser autre chose, c'est déjà de commencer à voir comment on va pouvoir vivre avec 2 degrés de réchauffement, 3 degrés de réchauffement. Cette opposition-là, elle est philosophique. Je veux dire par là que c'est une position très, très classique entre le principe responsabilité et le principe espérance. Si on cherche la source philosophique de ce débat contemporain, il faudrait la chercher dans l'opposition, la bifurcation entre la pensée de quelqu'un comme Hans Jonas, d'un côté, et la pensée de quelqu'un comme Ernst Bloch, ou dans la tradition d'Ernst Bloch, de l'autre. Pour vous rappeler rapidement la chose, Hans Jonas, dans le principe responsabilité, se propose d'étendre l'impératif catégorique kantien, la vigilance, le devoir qui nous est fait vis-à-vis de notre action, bien au-delà de ses limites usuelles, en particulier dans la considération des conséquences de nos actions pour les générations futures. Il s'agit donc de donner une extension neuve au principe de la responsabilité. Et en bon kantien, les kantiens ont toujours un problème, c'est de savoir comment ces principes inconditionnés vont pouvoir trouver figure, c'est-à-dire s'incarner via l'imagination dans la représentation sensible. C'est le problème du schématisme chez Kant, cette médiation entre ce que nous expérimentons et ce que notre conscience nous dicte. Il faut une sorte de joint imaginaire, et ce joint imaginaire, Hans Jonas le repère, le recherche dans ce qu'il appelle une heuristique de la peur. Regardez cette idée que la peur est un affect qui a évidemment à voir avec l'imagination, et la peur est non pas cet affect paralysant et appauvrissant qui nous rend stupides, mais la peur est susceptible de nous rendre vigilants, attentifs, au sens même du mot heuristique, de manière à repérer ce qu'il nous faut faire pour tenir compte de la vie et de la survie des générations futures. Donc ça, c'est une tendance possible, un philum possible. Imaginez l'après-catastrophe, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire avoir peur, ça veut dire avoir aussi intelligemment peur que possible, parce que cela seul nous rendra responsables. À cette position à cette position de Jonas, on pourrait opposer l'idée que la peur est profondément paralysante et que face à cette peur paralysante et face à un pire qui est d'ores et déjà certain, il faut prendre les choses tout autrement, c'est-à-dire qu'il faut prendre la rupture que crée la catastrophe comme la chance, au moins en idée, d'une figuration entièrement différente de notre avenir, de notre devenir, d'une émancipation radicale du futur vis-à-vis de l'état présent. C'est ce qu'on pourrait au fond trouver dans cette... J'ai noté cette phrase d'Ernst Bloch qui dit que le changement révolutionnaire est imminent et que, je cite, « haut dressé sur les décombres d'une civilisation ruinée s'élève l'esprit de l'indéracinable utopie ». Cette idée que l'utopie n'est pas simplement le sans-lieu, le hors-lieu de l'imaginaire, mais que l'utopie a son lieu, la possibilité de la pensée utopique, la possibilité d'une pensée déliée des contingences du présent, a son lieu précisément à l'endroit où toutes ces contingences se sont effondrées, parce qu'au fond, il n'y a pas besoin de faire passer table rase, la table est déjà profondément rasée. La stratégie alors, c'est de retourner l'imaginaire de la catastrophe comme l'instrument d'une possible libération vis-à-vis des contraintes du présent. Cette idée serait que la catastrophe est une rupture qui relance possiblement la dynamique de l'émancipation. C'est une idée qu'on trouve par exemple dans le dernier ouvrage de Naomi Klein, dans cet ouvrage qui s'appelle « Tout peut changer » où Naomi Klein écrit, je cite, « C'est peut-être au moment du désastre ou juste après qu'il est possible de reconstruire autrement. » Cette idée que... J'ai longtemps recherché l'auteur de cette citation connue. En fait, c'est apparemment Zizek. Zizek qui dit qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Plus facile à Hollywood d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Dans cette idée-là, on pourrait dire que la fin du monde est cela même qui nous permet d'imaginer la fin du capitalisme. En tout cas, le propos de Naomi Klein est à peu près celui-là. Le problème dans cette ligne d'interprétation, je dirais que si la limite de l'heuristique de la peur à la manière de Jonas, c'est la paralysie et le défaitisme, la limite de cette stratégie du kairos, de cette stratégie du moment opportun, du moment propice, c'est l'opportunisme pur et simple. Et c'est-à-dire cette manière, au fond, l'idée que la catastrophe est grosse d'opportunité, de potentialité, on peut la tirer dans un sens qui n'est pas du tout un sens émancipateur, mais un sens profondément, je ne sais pas comment dire, profondément capitaliste, c'est-à-dire dans la reconduction d'une stratégie de profit. C'est ce qu'imagine, par exemple, si vous l'avez lu, on va quand même parler un peu de fiction, le livre de Philippe Basset qui s'appelle « Journal intime d'une prédatrice ». Philippe Basset s'était lancé dans toute une série de journaux intimes à la limite du reportage et de la fiction. Et là, il imagine une chef d'entreprise qui est attachée à tirer tous les profits possibles du changement climatique et de la fonte des pôles. Décrit de manière extrêmement précise la stratégie marketing, les différentes branches de la multinationale que cette prédatrice est en train de constituer. On peut citer 162. Voilà. Par exemple, il écrit, il donne beaucoup de documentation dans son livre, le résultat de l'appel à projet Urgence Arctique lancé par Tinis Capital. Et le résultat de cet appel à projet, face à la menace du réchauffement, la réponse doit être collective. C'est dans cet esprit que Tinis Capital a lancé Urgence Arctique, un concours de projet visant à restaurer l'équilibre climatique de la planète. Donc, le lauréat de cet appel à projet a prévu de restaurer la prairie en Sibérie. Contrairement à la toundra, les pâturages sont en effet des puits de carbone, une fois l'herbe revenue, etc. Monsieur V veut introduire dans une zone de 150 km² des rennes, des chevaux et des bisons, pariant que le piétinement des troupeaux écrasera les mousses et durcira la terre, emprisonnant le méthane. À terme, l'action des seuls quadrupèdes sera forcément insuffisante, il faudra un animal plus massif. Travaillant avec le docteur Escovier de Cerf, etc., M. V veut ressusciter le mammouth et relâcher quelques spécimens de cette créature en Sibérie pour qu'il tasse le sol deux régions entières, séquestrant le méthane dans toute la Sibérie. Vous voyez comment cette fiction-là superpose ou comprime, hein, de la manière d'une compression à la César, la rationalité des solutions proposées par un certain nombre d'entreprises d'aujourd'hui, la fiction après tout désirable, voire des mammouths arpenter l'Arctique, ça peut être, ou la steppe russe, ça peut être assez beau. Tout cela pour le plus grand profit de la multinationale qui lance l'appel à projet. Comment un certain imaginaire de l'opportunité catastrophique est parfaitement compatible avec le capitalisme. Bon. Alors, ma question, ce serait, au-delà de ce dilemme-là, de cette difficulté-là, est-ce qu'il est possible, pour dépasser ce dilemme, d'identifier ce qui, dans l'exercice même de l'imagination, rend à la fois difficile et possible la figuration d'un après-catastrophe. Au fond, pour sortir de ce scepticisme, hein, de cette mise en balance de deux possibilités, de deux types de philosophie, de démarche philosophique, peut-être faut-il revenir à ce qu'on appelle justement l'imagination. Qu'est-ce que c'est que l'exercice de l'imagination? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à appliquer son imagination au phénomène de la catastrophe? Et quels sont les moyens possibles pour tourner cette difficulté-là? Je voudrais proposer maintenant, après vous avoir décrit en gros dans quel genre de débat notre affaire s'inscrit, simplement quelques rappels de ce que la philosophie la plus classique dit de l'imagination, en essayant de voir comment ça peut éclairer nos difficultés contemporaines, nous figurer ce qui va nous arriver, tomber sur la figure, et puis la façon dont on peut éventuellement le tourner. Une remarque au passage, faire cette démarche-là, c'est-à-dire aller chercher chez Platon, Descartes, Hume, Sartre ou d'autres, des éléments d'une théorie de l'imagination applicable au moment présent, ça suppose évidemment, et ça ne va pas du tout de soi, de sauter par-dessus l'idée que la catastrophe est profondément inimaginable. C'est que cette idée qui est née deux fois, au fond, qui a marqué deux fois le XXe siècle, hein, une fois avec l'extermination des Juifs d'Europe, l'autre fois avec la bombe atomique, hein, cette idée qu'il y a, il y aurait quelque chose à la fois d'impossible, de radicalement impossible et de radicalement indécent à imaginer la catastrophe, hein, disons, Claude Lanzmann d'un côté et Gunther Anders de l'autre, cette idée que on aurait passé un cap qui rendrait au fond profondément obsolète, hein, toute tentative, toute entreprise de figurer la catastrophe et ce qui le suit. Je vais m'appliquer à contourner à pas discret ce débat-là, en remarquant simplement que cette question de la figuration de la catastrophe, même avant cet interdit radical, s'est posée déjà un certain nombre de fois. Hein, vous pouvez la trouver dans la littérature. Je ne sais pas si vous pensez par exemple au poème sur le désastre de Lisbonne de Voltaire, hein, milieu du XVIIIe siècle, on a vraiment un texte sur qui tente d'une part de figurer cette catastrophe qui pour Voltaire est absolument radicale, hein, dans les termes les plus sensibles au cœur, et d'autre part qui porte aussi sur la difficulté pour les nations européennes, on danse à Paris, hein, pendant qu'on meurt à Lisbonne, hein, sur la difficulté de se représenter ce qui est en train d'arriver et ce qui est catastrophique. Donc, même si le XXe siècle a jeté une forme, sinon d'interdiction, du moins d'avertissement terrible sur la tentative de faire jouer l'imagination sur nos catastrophes, nous ne sommes pas, ni nous ni les deux générations qui nous précèdent, nous sommes les premiers à se poser la question. Alors, quelle est cette question? Je pense que si on définit très simplement, de manière très rudimentaire, une catastrophe, si on dit qu'une catastrophe c'est en gros un changement brusque qui entraîne la destruction de l'ordre qui précède, et de telle sorte que les résultats sont sans proportion avec les causes qui l'ont déclenché, c'est cela une catastrophe au fond, c'est la rupture radicale d'un ordre. Cette rupture radicale d'un ordre, elle se marque par le fait que de l'incalculable survient. On peut figurer dans les termes les plus burlesques, enfin c'est l'un des ressorts traditionnels du burlesque, que cette manière dont retirer une petite pièce fait s'effondrer. Il y a un film que Pierre et moi aimons beaucoup, qui s'appelle Jabberwocky de Terry Gilliam, dans lequel une fabrique de clous, on visite une fabrique de clous et le personnage principal, c'est au Moyen-Âge, voilà, déplace simplement la boîte à clous pour aider celui qui, l'un des ouvriers chargé de la fabrique de clous, pour l'aider à ce que ce soit un petit peu plus pratique, et s'ensuit un effondrement absolument radical, l'incendie de la fabrique de clous, etc., dans un enchaînement absolument inévitable et absolument comique. Ce comique-là, c'est le signe de la catastrophe. Cette idée que, et au fond, être catastrophé, c'est toujours être effaré par la disproportion entre ce que l'on a fait et ce qui s'ensuit. Alors, admettons ça, on pourrait se dire que l'imagination, dans une topique des facultés, dans une théorie des facultés à la manière traditionnelle, l'imagination est plutôt la faculté la mieux équipée pour se représenter ça. L'imagination, c'est la faculté qui présente le divers, qui, au contraire de la raison, ne subsume pas, ne rassemble pas le divers sous l'unité d'un ordre. Ce qui est à montrer là, ce qu'il s'agit de penser avec la catastrophe, c'est justement une forme de disparate. Disparate entre ce qui commence et ce qui se termine. La diversité et le chaos, au fond, la catastrophe a toujours à voir avec le chaos. Bah, l'imagination pourrait être plutôt la bonne faculté pour se représenter le chaos. En réalité, oui et non. Je veux dire par là que de multiples représentations sont possibles qui sont aussi diverses elles-mêmes que inefficaces ou inoffensives. Je pense qu'un bon exemple nous est donné par le cinéma, les blockbusters contemporains. Je vous renvoie au livre, beau livre de Peter Zindi, qui s'appelle Apocalypse Cinéma, qui est entièrement consacré au film post-apocalyptique, et où l'infinie variété des manières de faire s'effondrer le monde est en même temps d'une infinie variété et d'une absolue monotonie. C'est-à-dire que aucune de ces catastrophes, aucun de ces cataclysmes, aucune de ces apocalypses ne nous empêche de manger du pop-corn en les regardant. Pourquoi ? Il me semble qu'on peut faire trois hypothèses. C'est-à-dire qu'on peut expliquer, il y a trois manières d'expliquer, encore une fois en sollicitant les analyses philosophiques les plus traditionnelles de l'imagination, il y a trois manières d'expliquer que notre imaginaire de la catastrophe ne soit pas à la hauteur, ne soit jamais spontanément à la hauteur. D'abord, cette première manière aurait à voir avec les éléments que l'imagination mobilise. Si on considère l'imagination du point de vue de ses matériaux de construction, du point de vue des éléments qu'elle fait fonctionner ensemble et qu'elle recompose, toute une tradition plutôt rationaliste va considérer que l'imagination compose de l'inconnu, de l'extravagant et de l'extraordinaire avec du bien connu, du déjà connu. Après tout, dit Descartes, une sirène, ça n'est jamais qu'un torse de femme et un corps de poisson. Autrement dit, les éléments du puzzle, les pièces du puzzle, appartiennent toujours aux perceptions antécédentes, et l'imagination ne fait jamais que combiner ou recombiner ce qui lui est déjà donné, de sorte que elle est à la fois limitée et incapable de se figurer une altérité radicale. Première explication possible, le tout autre de la catastrophe est profondément inaccessible à l'imagination, parce que l'imagination va y planter ce qu'elle connaît déjà. Je pense qu'on peut avoir 1000 exemples. Je pense à l'épouvantable épisode 3 de Mad Max, par exemple, avec, comment s'appelle-t-elle cette chanteuse ? Tina Turner, merci. Avec Tina Turner, avec une crinière extraordinaire. Et l'épisode se termine donc dans ce monde post-apocalyptique par la reconstitution d'une famille nucléaire avec Bambin de la manière la plus façon la petite maison dans la prairie sauf qu'il n'y a plus de prairie. Famille nucléaire, c'est joli. Oui, on marque plus nucléaire, c'est bienvenu. Ouais. Donc cette idée que ce qu'on pourrait appeler pour aller très très vite l'effet Robinson Crusoé, on reconstitue sur l'île déserte. Les éléments de la société anglaise en combinant les matériaux qu'on a trouvés sur la plage et qui, au miracle, permettent de se sentir comme chez soi. Première limite possible. Deuxième limite possible, deuxième manière d'expliquer que notre imagination ne soit jamais à la hauteur, elle consisterait à s'intéresser plutôt, non pas aux matériaux que l'imagination mobilise, mais davantage aux règles combinatoires qu'elle fait jouer. On est plutôt dans une tradition qui serait empiriste, dans la lignée de Hume, qui va dire que le problème de l'imagination, c'est que les règles qu'elle fait jouer reconstituent d'elles-mêmes un univers qui nous est familier. Chez Hume, c'est cette idée que l'imagination reconstitue des séries causales sur la base de l'habitude et de la répétition des expériences, et qu'au fond, ça, c'est la réflexion de Hume sur les miracles, dont mon voisin serait bien plus qualifié que moi pour parler. Je vais donc dire des bêtises suffisamment vagues pour qu'il ne me corrige pas. Au fond, si quelque chose de radicalement hétérogène a tout l'ordre des causes que nous avons imaginées, c'est-à-dire à l'ensemble de nos habitudes, si quelque chose de profondément hétérogène, disons un miracle, survenait, eh bien, ce miracle serait au sens strict, incroyable, c'est-à-dire qu'il échapperait absolument aux règles qui constituent, qui instituent en nous la croyance, parce que pour croire à quelque chose, il faut que ce quelque chose soit modelé, patiné par l'application répétée, répétitive des règles de l'imagination. Ce qui vaut, à mon sens, pour les miracles, vaut pour les catastrophes, c'est-à-dire que la catastrophe, face à la catastrophe, nous allons reconstituer du bien connu, reconstituer de la série, et au fond, on pourrait le dire très simplement de la fonte des glaciers, tous ces effets déjà visibles du réchauffement climatique qui nous environne, d'avoir été inscrits dans nos habitudes, d'avoir vu d'année en année les glaciers reculer. Nous comparons notre vision du glacier d'aujourd'hui à celle de l'année dernière. Et, bien sûr, nous pouvons comparer à des photos d'il y a plus longtemps, mais ça nous touche finalement beaucoup. Donc, cette reconstitution de série par les règles de l'imagination est profondément neutralisante vis-à-vis de la catastrophe. Une troisième explication, et j'aurais fini ma liste, provisoirement, consisterait à dire que l'imagination n'est pas à la hauteur, non pas à cause de ses éléments ou à cause des règles qu'elle fait jouer, mais à cause du type d'intentionnalité qui est la sienne. C'est-à-dire de la manière dont la conscience vise l'objet imaginaire et vise le monde lorsqu'elle vise un objet imaginaire. Je pense davantage à une tradition qui irait, je ne sais pas si c'est pas du tout une tradition, mais tant pis, de Montaigne à Sartre, nous pensons toujours ailleurs de Montaigne, à la lecture que Sartre propose de l'imaginaire, dans l'ouvrage qui s'appelle l'imaginaire, cette idée que l'imagination est mise en suspens du monde, que au fond, s'imaginer, ça n'est pas l'acte positif qui consiste à dresser une image, c'est d'abord l'acte qui efface tout le monde sur le fond duquel cette image vient s'enlever. Très simplement, lorsque vous regardez la télévision, vous ne regardez jamais la télévision. Vous regardez ce que la télévision diffuse, ce qu'elle vous représente, mais pour voir ce que la télévision vous représente, il faut commencer par ne plus voir le meuble hideux que constitue une télévision. C'est comme dans le sketch des Monty Python où les deux vieilles dames se demandent « What's on telly tonight? I guess a penguin. » Et effectivement, il y a un pingouin posé sur la télévision. Là, on subvertit ces règles. Pour figurer, il faut commencer par nier le monde, et cette négation est une négation sans rapport. C'est-à-dire qu'au fond, entre ce monde que j'efface parce que je suis en train d'imaginer et l'imagination que je fais apparaître sur le fond de cette absence, il y a une solution, il y a solution de continuité. Il y a un gap. Bon. Et ce gap-là fait que... Alors là, on peut bien avoir une représentation de l'après-catastrophe qui sera absolument différente de tout le monde que nous connaissons, mais nous ne penserons pas, nous ne serons pas attentifs à ce qui se joue de l'un à l'autre, à cette médiation qui va reconduire de ce qui nous arrive maintenant à ce qui nous arrivera plus tard. C'est-à-dire que l'imagination, parce qu'elle nie le monde présent au profit de l'image, nous rend inattentifs à ce qui, du monde présent, nous reconduit vers ce dont l'imagination nous propose l'image. Au fond, un peu la critique que Marx adresse aux socialistes utopiques, de dresser une autre société qui est sans relation et du coup sans bénéfice sur l'intelligence du processus révolutionnaire à l'œuvre dans cette société-ci. Je vois ce qui m'arrive, je ne vois plus ce qui m'arrive parce que je vois ce qui m'arrivera plus tard, mais au fond, je ne comprends pas le chemin qui va de la même. Il me semble, je terminerai juste par là, par cette topique, en fait, ce qui m'intéresse dans cette petite analyse, c'est simplement le fait qu'il me semble que imaginer l'après-catastrophe, c'est toujours, peu ou prou, essayer de tourner l'une de ces difficultés. C'est-à-dire que l'imagination de l'après-catastrophe ne devient efficace qu'à la condition de ruser avec l'un de ces trois problèmes. Je vais prendre trois exemples tirés de la science-fiction. Un premier exemple très classique, pour reprendre le dernier argument que j'ai donné, cette solution de continuité entre le monde et l'imaginaire, c'est ce qui a rendu célèbre la dernière image de la planète des singes. Ce film qui se déroule entièrement dans un univers sans rapport avec le nôtre, on découvre finalement, dans un moment dramatique de restitution du rapport, que la statue de la liberté est à moitié enfouie dans le sable et que cet autre monde, c'est le nôtre. Et cette révélation tardive, au fond, elle est forte précisément parce que le film a entièrement pris d'abord le soin de jouer jusqu'au bout le jeu d'imaginaire, de se situer jusqu'au bout dans un ailleurs dont nous décrivons finalement qu'il est ici. Voilà une manière de ruser avec la difficulté que j'indiquais tout à l'heure. Une manière de tourner aussi la difficulté que j'énonçais juste avant, c'est le problème étant le problème lié au fait que l'imagination reconstitue des séries causales. Vous avez ça chez quelqu'un comme George Ballard. Si vous lisez le début de Sécheresse de Ballard, c'est l'un des romans que Ballard consacre à l'apocalypse. Il y en a quatre, je crois. Sécheresse commence par le tableau d'un monde entièrement désertique. Et pourquoi le monde est-il devenu désertique? Parce que une fine pellicule, mais vraiment une très fine pellicule de plastique, née d'un certain mode d'exploitation du pétrole, s'est déposée à la surface des océans et a empêché par là même l'évaporation. L'eau existe donc encore partout sur la planète, mais le cycle de l'évaporation s'est rompu. Et tout le début du roman, ce qui m'avait beaucoup frappé à la lecture, c'est le contraste, la disproportion entre le caractère parfaitement explicable et bénin, anodin de ce qui se passe et l'ampleur des conséquences. De cette manière que, bien sûr, tout cela est parfaitement prévisible, inscrit dans des séries causales intelligibles, conformes à ce que nous connaissons déjà, mais les effets sont incalculables. Enfin, juste pour indiquer la référence, parce que c'est à mon sens l'un des plus importants romans de science-fiction contemporain, sur cette idée que comment est-ce qu'on arrive à ruser avec cette idée que l'imagination reconstitue du bien connu avec de l'inconnu, ou inversement. Si vous lisez Spin de Robert Charles Wilson, la trilogie, puisqu'il y a, trois romans. Il y a Spin, Axis, et j'ai oublié le nom du troisième. Mais les deux autres ne sont pas terribles. C'est Spin qui est vraiment un très très grand livre. Spin est un roman qui est entièrement consacré à cette question-là. Qui commence absolument par poser le problème de l'inimaginable, de la difficulté à imaginer la catastrophe, puisque au début de Spin, on apprend les étoiles disparaissent. Les étoiles disparaissent parce que... si vous n'avez pas lu, je ne vais pas vous révéler les choses. Je vais trouver une manière de les formuler. Les étoiles disparaissent, et la disparition des étoiles, une fois qu'on comprend pourquoi elles ont disparu, on se rend compte que la Terre va disparaître elle-même d'ici 50 ans. Une cinquantaine d'années, je crois. C'est-à-dire pas maintenant, et pas à la fin des temps. Dans pas très longtemps. Et ce pas très longtemps, c'est une manière pour... La science-fiction a longtemps fonctionné sur le régime de l'imminence. Les récits apocalyptiques des années 60 étaient fondés sur la peur de la bombe, donc c'était l'apocalypse demain. Robert Shalwison travaille sur les peurs écologiques, donc c'est le moyen terme. Qu'est-ce qu'on fait quand on est inscrit dans une apocalypse de moyen terme? Et le livre s'ouvre, l'exergue, c'est le fameux apologue de la grenouille. Plonger une grenouille dans l'eau bouillante, elle va sauter, mais si vous la mettez dans l'eau froide et que vous allumez le feu sous la casserole, elle va rester jusqu'à ce que l'eau devienne chaude, très chaude, très très chaude, et puis elle finira par cuire. Qu'en est-il de l'humanité lorsqu'elle est à la place de la grenouille et qu'elle est dans cet horizon qu'on a peine à se figurer parce qu'il est à la fois trop proche et trop lointain. Et sur le fond de, c'est ça qui m'intéresse et je vais terminer par là, à l'intérieur de ce récit, ce qui est très intéressant, c'est que Robert Shalwison fait peu à peu, très doucement, très lentement, fleurir de l'inconnu. C'est-à-dire qu'il va introduire des éléments à travers l'intervention de ce qu'on appelle dans le roman, c'est très joli, les hypothétiques. Est-ce que c'est des machines? Est-ce que c'est pas c'est des morceaux de machines qu'on se met à trouver sur Terre qui produisent des fleurs, justement. Donc, dans des choses qu'on n'attendrait absolument pas à trouver dans ce contexte-là. Et le roman glisse très doucement, insensiblement, dans un roman qui est entièrement consacré à comment imaginer l'insensible, comment imaginer la catastrophe insensible, le roman glisse lui-même très progressivement vers un imaginaire, vers la convocation d'un imaginaire où les machines fleurissent dans le désert, les fleurs elles-mêmes fanent et crèvent, on ne sait pas très bien pourquoi, et on passe à absolument à toute autre chose. Il y a là une manière, je trouve, un exemple assez intéressant. Et voilà. Alors, ça marche. Merci beaucoup Mathieu. Bon, ça marche pas bien. Bon, si, ça marche un peu. Bonsoir à tous. Bon, après tout ce que tu as dit, je pense que ça va. Il y a des choses qui vont se recouper, des choses qui seront un peu à côté dans moi, la manière dont je voulais intervenir. Avant d'intervenir, j'aimerais quand même remercier les curateurs, remercier le boulot admirable quand même pour nous permettre de penser après la catastrophe, tout ce que vous avez fait depuis deux mois au Bataclan, à la COP21, etc. C'est bien, vous nous en avez donné des catastrophes à penser ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez sponsorisé tout ça, mais en tout cas bravo. J'ai un peu trop écrit la chose, mais si on veut en discuter après, on pourra... J'espère qu'on pourra se libérer, avoir une parole un petit peu plus libre que ça. Bien, parce que ce sur quoi j'aurais voulu m'interroger ce soir, et le problème que j'aurais voulu aborder, c'est au fond le problème de l'articulation entre la catastrophe privée et la grande catastrophe collective. C'est jusqu'à quel point, puisqu'au fond c'est l'une des questions qui se posent en art, c'est l'une des questions qui se posent dans la narration, qui se posent dans la fiction, c'est jusqu'à quel point et comment on fait pour essayer de penser ensemble ce qui est une catastrophe privée, une perte irrémédiable, une violence, une mort, mais qui arrive à soi, dépourvue de sens, et ce qui est une catastrophe qui enveloppe une nation, l'humanité tout entière, etc. En un sens, ce problème-là, il est posé par Primo Levi, qui, dans les naufragés et les rescapés, son dernier livre, explique que ceux qui ont véritablement vécu la catastrophe de l'extermination des Juifs d'Europe, ceux qui l'ont expérimenté jusqu'au bout, sans se compromettre d'une manière ou d'une autre, avec leurs bourreaux, en particulier en refusant jusqu'au bout la déshumanisation égoïste à laquelle les vouait le système concentrationnaire, ne sont pas revenus pour en témoigner. On pourrait généraliser le propos, le témoin intégral des grandes catastrophes collectives est un témoin mort, davantage que mort même, puisque son nom et toute son histoire individuelle se sont dissous dans un tel désastre. Mais on pourrait soutenir aussi bien sa contraposée, c'est-à-dire que celui qui s'en est sorti, le rescapé, est non seulement celui qui ne peut pas pleinement témoigner de la catastrophe à laquelle il a réchappé, mais celui qui, en un sens, n'a pu en réchapper qu'en refusant de la voir et de la penser, celui finalement, le rescapé, ou aussi bien celui qui adore ou qui jouit des récits de catastrophes, celui qui est au fond d'un optimisme indécrottable et qui pense fondamentalement que de la catastrophe, on se remet toujours, donc qu'une catastrophe n'est pas une catastrophe. Ces deux propositions... finalement logiquement corrélé, trouve une confirmation continue dans la cascade de difficultés que l'on éprouve devant chaque grande catastrophe quand on cherche à articuler son sens global, son histoire, ses causes, ses justifications et la myriade de sens particuliers qu'il a pu prendre pour les individus immédiatement concernés. C'est la difficulté, par exemple, et notamment pour les rescapés, de raconter leur histoire singulière, tant elle ne peut jamais être à la hauteur du sens général de l'événement. Et difficulté symétrique pour tous les autres, pour ceux qui n'ont pas été immédiatement touchés, quelle que soit leur bienveillance et leur compassion, d'entendre et de les entendre tant le sens global qui leur a été transmis ne leur offre aucune arme pour comprendre en vérité les propos fragmentés d'un destin singulier qui passe toutes les catégories de l'expérience commune. De ce point de vue-là, je veux simplement dire qu'il n'y a pas de loi il y a quelques années. J'avais rencontré un survivant de non seulement de d'Auschwitz, mais un survivant de la Marche de la Mort. Il avait fait toute la Marche de la Mort, donc il y en a combien, 200 sur les 25 000 qui ont fait la Marche de la Mort de d'Auschwitz. C'était à Ravensbrück ou à Bergen-Belsen qu'il était arrivé. Et ce survivant tenait raconter son expérience. Il était venu en parler devant les étudiants. Et les propos qu'il tenait étaient ahurissants, c'est-à-dire par rapport au sens global qu'on nous a appris de l'événement. Il disait, mais vous vous rendez pas compte, c'était très dur, c'était tellement dur, mais nous, si on s'en est sorti, c'est qu'on était des surhommes, on était 10 fois plus forts que les autres, il fallait se battre pour avoir à manger, nous on était capables de marcher sur les autres pour avoir de la soupe, pas eux, les musulmans, c'était des tocards, c'était des sous-hommes, etc. Et un homme d'une gentillesse, d'une courtoisie. Bon, comment chacun peut s'en sortir dans son histoire singulière? Évidemment, ça ne colle pas au grand récit, ça ne colle jamais au grand récit ou aux grandes normes du bon comportement pendant la catastrophe. Il n'y a pas de bon comportement individuel pendant la catastrophe. Parallèlement, c'est aussi bien la difficulté objective. Difficulté objective à décrire simplement l'un et l'autre, tant on ne sait plus, à l'aune d'un tel partage impossible, quel régime d'historicité choisir? Est-ce qu'il faut parler finalement de la grande histoire? Et si on situe la catastrophe dans la grande histoire, on risque toujours de perdre de vue le vif de l'expérience dans sa dimension irréductiblement individuelle. Ou est-ce qu'on prend on cherche un régime de micro-histoire, on ne s'attache qu'à un destin individuel d'un tel ou un tel qui serait censé porter le sens universel et le sens de l'universel de cet événement, mais au fond, finalement, d'une pétition de principe. Pourquoi, dans la position individuelle de la catastrophe, l'expérience singulière de quelqu'un devrait porter le sens de tous? C'est un grand problème posé. Dans la Chartreuse de Parme de Stendhal, Fabrice Del Dongo, il arrive au milieu de la bataille et il voit strictement rien. Pendant 3 jours, il voit des boulets, il cherche où ça se bat, il ne comprend pas. Et puis quand il repart, il apprend que le village à côté s'appelle Waterloo. Il est bien marré parce qu'il n'a pas pu aider du tout Napoléon à battre toutes les féodalités d'Europe. Bon, la grande catastrophe finale et en un sens bienvenue de l'Empire au niveau individuel, c'est pas sûr qu'on puisse en porter le sens. On n'y voit rien, et en même temps, au niveau collectif, on voit rien de ce qui se passe au niveau individuel. C'est une difficulté morale plus encore. Tant d'un côté, fondre des souffrances individuelles est à jamais incomparable, puisqu'au fond, dès qu'on parle de catastrophe, on entre dans la sphère de l'incomparable. Sous une hypothèse métaphysique abstraite, la catastrophe, comme quand on dit Auschwitz, pour désigner l'ensemble de l'extermination des Juifs d'Europe. Alors, c'est une expérience, et pas tout Auschwitz, il y avait plusieurs camps, il y avait Auschwitz-Birkenau, il y en avait d'autres, il y a eu la Shoah par balle, il y en a beaucoup qui mouraient dans les transports. Bon, l'ensemble de la catastrophe, de ce qu'on appelle la Shoah, c'est pas simplement Auschwitz, c'est pas simplement la Colima, le goulag c'était pas que la Colima. On a les récits de la Colima de Chalamov, on a les histoires à Magadan, il y avait beaucoup d'autres... Il y avait beaucoup d'autres goulags, comme quand on dit Hiroshima, comme quand on dit la Nakba pour le départ des Palestiniens, comme quand on dit Fukushima. À chaque fois, on perd tout. Et on perd l'ensemble des singularités, l'ensemble du vif de l'expérience, c'est-à-dire au fond, on la neutralise. C'est un peu ce que tu disais sur l'imagination, c'est-à-dire que le nom ici est un nom écran qui permet au fond de ne pas voir, et on emploie et réemploie d'autant plus aisément le nom que l'on peut ainsi ne pas voir. Mais en même temps, de l'autre côté... s'en tenir qu'au seul récit singulier, c'est une infamie, c'est-à-dire prêter une trop grande autorité aux survivants, et c'est notamment une infamie, en tout cas une violence faite à ceux qui justement n'en sont pas sortis. À ceux qui ne sont pas là pour témoigner, et dont au fond le témoin ou le survivant, et là je suis en total, tu parlais de Claude Lanzmann là-dessus, je suis en total désaccord avec Lanzmann quand il dit, au fond, ils ne disent pas je, ils disent tout en nous, c'est les morts qui parlent à travers eux dans Shoah, c'est pas leur histoire personnelle qu'ils racontent, ça dépend. Si on regarde là dans toutes les catastrophes, il y en a qui racontent, qui laissent au fond parler ce qui s'est passé à travers eux, qui va être le porte-parole d'autres, il y en a d'autres au contraire qui ne parlent que d'eux. Il y en a d'autres qui n'ont pu survivre et s'en sortir que par une surnarcissisation et en sauvant avant tout leur égoïsme foncier et vital. Bon, il y a de tout dans les stratégies de survie, donc je ne crois pas qu'il y ait une règle parmi tant d'autres. En tout cas, il est certain que la seule parole autorisée ne peut pas être la parole de l'expérience vécue, ne serait-ce parce que c'est voué à l'oubli, le jour où il n'y aura plus de survivants, qu'est-ce qu'on va faire, si c'était l'expérience vécue, et en plus parce que l'expérience vécue, aussi remplaçable soit-elle, n'est pas gage d'authenticité. Tu parlais de la section sur les miracles dans l'enquête sur l'entendement humain de Hume, de la même manière que Hume ne dit pas que les miracles n'existent pas, mais un miracle ne peut pas fonder une autorité, c'est-à-dire ne peut pas fonder un discours autorisé, de la même manière, il me semble qu'aucune expérience individuelle ne peut fonder pleinement, elle peut fonder son expérience à elle, mais elle ne peut pas fonder un discours qui aille au-delà d'elle-même. Il y a une difficulté esthétique tout autant, et qui est particulièrement flagrante dans tous les documentaires, mais aussi dans les fictions, quelle que soit la catastrophe qu'ils cherchent à documenter. Comment, au fond, saisir sans vampiriser ou sans déjà embaumer ? Comment produire un sens sans écraser tout détail et toute singularité sous ce sens ? Comment refuser d'user toute archive qui écraserait le singulier sous le commun, tout en se sachant en train de créer une nouvelle archive, c'est-à-dire de participer à cela même qu'on dénonce, etc., etc. Enfin, mais la liste n'est pas exhaustive, difficulté proprement politique, tant privatiser une expérience, la réduire à un destin singulier, finalement se taire, ou même à des destins singuliers, revient par définition à la dépolitiser radicalement et à perdre de vue ses enjeux collectifs. Après tout, pour rester dans notre exemple initial, combien de rescapés de la Shoah ne le durent qu'à la compassion fugace d'un nazi ou d'un leur séide européen ? Si on veut aller jusqu'au bout, à ne s'en tenir qu'au discours de survivants, on aura toute une vision vraisemblablement biaisée des bourreaux qui les ont conduits là où ils étaient. Étant à l'opposé, politiser trop vite une catastrophe, lui donner d'avance un sens politique global, se fait presque toujours au profit d'États ou de groupes collectifs qui ont derrière la tête des pensées et des intérêts fort éloignés à que ceux du simple devoir de mémoire ou d'humanité, même si je ne pense pas qu'il puisse exister un devoir de mémoire. Je pense même que c'est une expression très malheureuse, hein, même si elle est chez Primo Levi et chez d'autres. Cette cascade de difficultés, en tout cas, explique sans doute pourquoi, face aux grandes catastrophes, et que ce soit chaud ou à froid, on renonce d'avance, la plupart du temps, à articuler leurs dimensions collectives et individuelles. Au mieux, il y aura une place pour les récits singuliers, la parole d'alcôve, la littérature, l'art, la micro-histoire, d'un côté, et de l'autre côté, une place pour le sens global, les discours de tribune, la philosophie, la grande histoire. Bon, on a vu ça après les attentats sur Paris du 13 novembre, partout dans la presse, il y avait les récits vivants, les rescapés d'un côté, et puis il y avait les analyses des experts. Gilles Kepel de l'autre. Et Gilles Kepel de l'autre. En un sens, une telle étanchéité n'est pas toujours indigne, ni simple signe de paresse intellectuelle. C'est aussi parfois, me semble-t-il, une question de pudeur et de respect des principaux acteurs du drame, et il est même à parier, à mon sens, que cette faille ou cette différence entre le sens individuel et le sens collectif d'une catastrophe traverse même les survivants, traverse en fait chacun. Autrement dit, il est à parier que vivre une catastrophe collective, c'est toujours vivre deux expériences, en un certain sens, sans rapport. La sienne, sa catastrophe à soi, et celle de tous. Je ne sais pas, celui qui a perdu un enfant au Bataclan, ou les enfants qui ont perdu leurs parents au Bataclan, ils vivent une catastrophe qui est la leur, et qui est au fond pas articulable immédiatement avec le sens de ce qui s'est passé dans les 132 morts ou 131 morts, je ne sais plus où on est le décompte, des morts qui ont frappé Paris. Mais en même temps, s'en tenir à cette étanchéité n'est sûrement pas suffisant, parce qu'à un moment ou un autre, ils vont bien finir par tourner en leur contraire, une violence ou une indifférence généralisée. Une violence, tant refuser d'articuler l'individuel au collectif, c'est toujours finir par renvoyer chacun à l'absurdité et à l'incommunicable de son expérience propre. Si on ne peut pas articuler les deux, au fond, ça veut dire que l'expérience privée que vous vivez n'a rigoureusement aucun sens. Soit encore une indifférence généralisée de l'autre côté, tant à ne jamais s'articuler les unes aux autres, les analyses objectives se réduisent à du semblant et les expériences subjectives à des épreuves sans effectivité. Ce que disait Mathieu tout à l'heure, le fait que tous les récits de catastrophes n'ont jamais empêché de manger des pop-corn. En ce sens, on peut tout autant parier que tout discours acceptable sur une catastrophe, qu'il soit artistique, mais aussi bien philosophique, scientifique, etc., historique, est un discours capable, à un moment ou à un autre, d'articuler le niveau individuel et le niveau collectif, l'expérience de l'incomparable et l'expérience commune, d'à la fois de reconnaître la singularité de ceux qui ont été touchés et de reconnaître le fait qu'à travers eux, c'est aussi toute l'humanité qui a été touchée. Où fixer toutefois le seuil d'une telle acceptabilité? C'est ça, au fond, mon problème, c'est à partir de quand il y a beaucoup d'insultes, il y a beaucoup de violences, c'est une violence qui se conçoit. Camus n'a pas trouvé les mots justes, c'est ajouter au malheur des hommes. Rater son œuvre d'art à propos d'une catastrophe, c'est pour un artiste, c'est terrible, c'est épouvantable. Ou tuer quelqu'un, là, le fou qui a projeté a failli me tuer pendant la COP21, les images de l'Antarctique sur les tours de la BNF. Moi, je passais en vélo, j'essayais de regarder, je me suis pris un vélo en face, qui regardait aussi les images projetées sur les tours de la BNF. On avait l'air con, mais alors totalement con sur nos petits vélos. Mais durable en même temps. Mais c'était durable. On était dans la connerie durable. C'est juste pour détendre l'atmosphère, ça m'angoisse, j'en peux plus des catastrophes. J'aimerais bien des white series, des trucs comme ça. En tout cas, j'aimerais essayer d'indiquer plusieurs pistes. Au fond, comment est-ce qu'elle peut s'opérer, cette articulation? Bon, disons 4 pistes ou 5 pistes. Premièrement, il me semble qu'un récit ou une œuvre sur ou à propos de catastrophes, autour de catastrophes, ou traversé par une catastrophe, doit tenter d'articuler le possible à l'impossible. Pourquoi ? Parce que le propre d'une catastrophe collective est qu'elle est possible. Elle est possible puisqu'elle a déjà eu lieu, pour parler comme Aristote dans la Poétique. Je vous rappelle que terme même de catastrophe vient du vocabulaire de la tragédie. Hein, catastrophé n'est pas en grec, c'est le dénouement de la tragédie, qui n'est pas nécessairement dénouement, qui n'est pas nécessairement malheureux. Il y a des tragédies qui finissent bien, hein, en tout cas chez les Grecs. Donc elle est possible, la catastrophe est possible, en tout cas la catastrophe passée, puisqu'elle a eu lieu et que tout ce qui a eu lieu fait partie du possible, le possible étant plus vaste que le réel. Ou bien elle est possible, puisqu'elle pourrait avoir lieu, c'est-à-dire que son advenu ne renferme en elle-même aucune contradiction. C'est pour la catastrophe à venir. Or, dans un monde contingent, tout est possible, ou presque, à condition de respecter le principe de contradiction. Les catastrophes les plus infimes à la destruction complète de l'humanité... Il y a tous les récits apocalyptiques, on peut décrire de manière possible tout. C'est bien pour ça que le post-ap est un genre aussi vaste. En même temps, individuellement, le propre d'une catastrophe, donc collectivement la catastrophe est toujours possible, individuellement le propre d'une catastrophe est de se donner comme justement impossible, ou comme réel au sens lacanien, au sens où Lacan définit le réel comme l'impossible. Ah, puisque face à toute vraie catastrophe, catastrophe véritable, on commence toujours par se dire ce n'est pas possible, par se dire c'est impossible. Ah, une vraie catastrophe, mais ça Mathieu l'a déjà bien dit, déborde nécessairement toutes nos anticipations, sinon c'est pas une catastrophe, c'est un drame, c'est une violence, c'est une malencontre, c'est un malheur, mais c'est pas une catastrophe. La catastrophe, c'est ce qui au fond se donne d'abord comme ne pouvant pas advenir. Sinon, il n'y a plus de sens à parler de catastrophe. Quand les catastrophes, finalement, s'enchaînent les unes les autres, de la naissance à la mort, soit on est en enfer, soit on est dans une vallée de larmes, soit on va pas bien et on doit aller voir, on doit aller suivre quelqu'un, comme on dit. C'est sans doute pourquoi l'humanité, me semble-t-il, ne cesse de rêver collectivement de nouvelles apocalypses. Bon, l'un des enjeux, je crois, de la soirée de ce soir, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a tant de jouissance dans le discours apocalyptique. Bon, Mathieu a amené des éléments assez intéressants dans à nos amis du comité invisible sur l'importance dans le capitalisme contemporain du récit de catastrophe. On peut ajouter un autre élément, c'est que si on adore rêver d'apocalypse, si on adore se nourrir de récits de catastrophes et de fin du monde, c'est parce qu'individuellement, il est impossible d'y croire. Et même, il est impossible de les penser. De ce point de vue-là, c'est là où l'heuristique de la peur de Jonas m'a toujours laissé un peu sceptique, parce qu'il me semble qu'on adore avoir peur, c'est formidable, et on adore avoir peur parce que justement, ça ne produit pas la croyance dans son advenir. Au fond, c'est toujours une façon de se faire peur pour pas cher. Et c'est aussi pourquoi, à mon sens, la plupart des catastrophes écologiques qu'on nous annonce pour demain, même pas pour demain, qu'on nous annonce qu'ils sont déjà en cours, même si on n'en percevra les effets que demain, pas après-demain, mais demain, c'est bien pourquoi elles vont sans doute advenir. On sait bien qu'elles sont possibles, on sait bien qu'il est possible qu'on se retrouve avec des centaines de millions de réfugiés climatiques et que toutes les catastrophes que l'on connaît, les grandes catastrophes du XXe siècle, notamment, n'apparaissent aujourd'hui dans quelques années que comme des détails de l'histoire, comme disait l'autre, quand on aura des centaines de millions de réfugiés climatiques et des États fascistes partout, on verra, on va bien s'amuser dans l'avenir. Mais il est très probable que ça va advenir, parce que si on sait qu'elles sont possibles, personne n'est capable de les élaborer pour son propre compte. Ni les peuples, ni les dirigeants. C'est un peu ce que dit Kafka dans son journal. Début 1913. Ce matin, j'ai assisté à la destruction du monde en spectateur attentif. On imagine qu'il a dû lire un article sur les bruits de bottes avant la Première Guerre mondiale. Et il ajoute, et puis je me suis remis au travail. Au fond, c'est l'expérience qu'on fait chacun. On apprend que, à la COP21, ils ont même pas discuté du trafic aérien, parce que c'est vrai que c'est pas un problème, l'avion, dans le réchauffement climatique. Mais bon, c'est un succès absolument planétaire. Donc on apprend, on lit ça, et puis après ça n'empêche pas de se mettre au travail, de reprendre un café et de s'amuser, de parler d'autre chose. Bref, le possible collectif qui contredit frontalement mon intérêt individuel m'apparaît toujours d'abord comme impossible. Et ce n'est pas une question de lâcheté ou de bêtise, il me semble là-dessus, pour parler comme Hume, que c'est un principe de la nature humaine. En seconde analyse, toutefois, il me semble que c'est exactement l'inverse. Individuellement, en fait, on peut toujours anticiper une catastrophe. On peut toujours anticiper sa mort ou la mort d'un tel que l'on aime, puisque dans son expérience propre, chacun a déjà vu mourir quelqu'un, chacun connaît la mort, au moins d'un savoir immémorial. En revanche, l'impossible, donc le possible, en fait, il est du côté individuel. Qu'il m'arrive une catastrophe, ça c'est toujours possible. Ce qu'on ne peut pas concevoir, c'est le collectif. L'impossible, c'est la grande catastrophe collective. Je peux bien admettre qu'il y ait des assassins, mais je ne peux pas admettre, comme au Rwanda, que toute une ethnie ou que des villages entiers soient devenus des villages d'assassins. Essentiellement les hommes, mais aussi parfois les, avec leurs femmes et leurs jeunes enfants. Et c'est bien pourquoi il y a en un sens, des rescapés dans chaque catastrophe. Il y a toujours des rescapés dans chaque catastrophe, parce qu'au fond, s'il était vraiment possible d'élaborer jusqu'au bout les grandes catastrophes collectives, l'humanité tout entière serait morte de tristesse depuis longtemps. Il y a quelque chose humainement qu'on ne peut pas élaborer pleinement. Des catastrophes accomplies, des catastrophes totales, il me semble qu'il n'y en a qu'une dans l'histoire. C'est le génocide de Tasmanie, c'est le seul génocide réussi. Il n'y en a plus, tous les Maoris de Tasmanie ont été exterminés ou sont morts de maladie. Mais en dehors de ça, il me semble qu'il y a des rescapés. C'est l'optimisme fondamental de tout l'art des catastrophes et de tout l'art post-apocalyptique et des catastrophes en général. Il y a un optimisme fondamental, c'est que pour qu'il y ait encore de l'art dessus, c'est qu'on s'en est sorti. C'est qu'il y a eu des gens qui s'en sont sortis pour en témoigner. Donc il n'y a pas de quoi désespérer. Bien, suivant ces deux premières analyses, articuler l'individuel au collectif signifie donc être capable d'articuler le possible et l'impossible sans jamais assigner une place spécifique à l'une et l'autre de ces deux modalités. L'impossible comme le possible de la catastrophe, c'est à la fois et inséparablement ce qui arrive à chacun et ce qui arrive à tous. Autrement dit, dans la catastrophe, le possible et l'impossible s'articulent en passant l'un dans l'autre. Le possible est individuellement possible parce qu'il est impossible collectivement, et individuellement impossible parce qu'il est possible collectivement. Si vous voulez que je le répète, je ne le répéterai pas. Si je vais le répéter. Si, je trouve ça très juste, en fait. Le possible est individuellement possible parce qu'il est impossible collectivement. Donc il est possible individuellement, et individuellement il est impossible parce qu'il est possible collectivement. Enfin, je trouve ça très juste parce que ça nomme une réalité très simple. C'est que cette copénétration du possible et de l'impossible, ce n'est en un sens rien d'autre que la vérité de la fiction. Est-ce qu'une fiction, c'est justement pas cela ? Impossible qui n'est possible que parce qu'il est impossible, parce qu'il est là, à la fois et au même niveau, pour faire signe vers le réel et pour lui faire écran. En ce sens, on peut dire que la première articulation qu'exige toute catastrophe est une articulation qui ne peut avoir lieu que dans la fiction, ou en tout cas qui exige une part inéliminable de fiction, d'image ou de semblant. C'est un peu ce que dit, je me rends compte là quand même, je parle beaucoup de la Shoah, il y en a d'autres, des catastrophes, c'est comme ça. Et c'est ce que dit au fond Kertész dans Vie sans destin, à la fin du récit de ce parcours. Est-ce que c'est le sien, est-ce que c'est celui de quelqu'un d'autre, en tout cas d'un juif hongrois qui est passé par Auschwitz et qui s'en est sorti, et il dit bon, finalement voilà ce qui s'est passé. Mais j'ai oublié de vous raconter combien j'ai été heureux aussi à Auschwitz. Peut-être que j'ai jamais été aussi heureux que là-bas. Il faudrait que je raconte la prochaine fois ce que c'est que le bonheur à Auschwitz. Et puis ça arrête. Bon, là, on est face à la fiction la plus impossible. Il essaie d'articuler, au fond, une possibilité dans ce qui nous apparaît le plus impossible absolument. Et ça aussi bien d'un point de vue individuel. Mais en même temps, individuellement, on peut se dire, bon, peut-être qu'il y en avait un. Que d'un point de vue collectif. Donc on ne sait plus très bien si c'est possible, si c'est impossible, si c'est une folie, ou au fond si ça désigne une certaine vérité, puisqu'au fond, il en est revenu. Si ça avait été le mal absolu, intégralement mal, comme dit Spinoza, il n'aurait pas pu continuer à exister. Second type d'articulation, pour essayer de penser les deux, si on veut discuter un petit peu, je vais aller plus vite. Un second type d'articulation, c'est d'articuler le positif à la négativité. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là que s'il n'y a pas de récit de catastrophe qui ne passe d'une manière ou d'une autre par la fiction, cela ne signifie pas pour autant que toutes les fictions se valent. Quand une fiction se sert du possible individuel pour dissimuler l'impossible collectif, l'horreur et l'emploi et l'ampleur de la catastrophe, on sent bien que quelque chose ne va pas. C'est le cas, par exemple, dans cette vaste cochonnerie qu'est 2012, et que certains, par malheur, parmi vous, ont peut-être vu. On y assiste à la destruction de l'humanité, mais il y a des survivants, les riches peuvent survivre, les riches et les dirigeants du monde peuvent survivre, et on accepte qu'au fond, l'humanité soit repeuplée dans un nouvel espoir, ça va être mieux, grâce aux riches et à ceux qui nous dirigent, parce que 5 ouvriers ont réussi à s'en sortir, et 5 ouvriers tibétains sont emmenés contre les règles quand même, parce qu'ils n'ont pas pu se payer de billets, dans les arches de Noé, formidable. Bon, là, ici, la joie de voir la fille du président et les 5 ouvriers s'en sortir nous fait oublier qu'il y a quand même eu 7 milliards de morts décrits dans ce film. Et il y a quand même un peu de quoi vomir, en tout cas. Si on ne vomit pas dans son paquet de pop-corn, c'est qu'on a l'estomac bien accroché. Même en un sens, il me semble que même chez un film, alors là, dans toute autre chose, quelque chose qui est beaucoup mieux, qui est le pianiste de Polanski, qui peut être extrêmement, et Adrien Brody est assez extraordinaire dedans, mais la scène du voyage en train, par moments, est un peu insupportable quand tous les personnages autour d'Adrien Brody et dans les cadrages même de la caméra sont des figurants. Et on sent que c'est des figurants, ils n'ont pas de destin, et au fond, c'est le destin individuel de Brody qui importe. Et là, quelque chose ne va pas, hein, me semble-t-il, au sens où si on même faire des fictions, c'est là où Nemetch me semble beaucoup plus fort là-dessus, c'est qu'il n'y a aucun figurant dans Le Fils de Saul. Il n'y a pas de figurant du tout. Et on ne peut pas faire de figurant sur une catastrophe de ce type-là. Et on ne peut pas mettre un héros qui éclipse les autres. De manière symétrique, quand une fiction prétend rendre visible, possible, pensable l'horreur collective à travers une mise en scène individuelle, cela, à mon avis, ne va pas non plus. C'est la scène de la douche dans La Liste de Schindler, c'est des choses un peu connues. En tout cas, c'est toujours cette idée que essayer pédagogiquement de montrer, de prendre simplement, de fictionner un cas pour, à travers ce cas, fictionner les formes entières de l'humaine condition, ça ne va pas du tout. Dans les deux cas, il me semble, dans le cas du cynisme niaiseux ou dans le cas de l'indignation morale, ce qui ne va pas, c'est qu'au moment même où la fiction prétend articuler destin individuel et destin collectif, elle désarticule en sous-main la négativité et la positivité dont l'articulation constitue pourtant toute expérience authentique. Une catastrophe purement négative est en effet impensable, n'est même pas une catastrophe, puisqu'il n'y a personne pour la raconter. C'est en ce sens que Spinoza peut dire que même le diable ou l'apocalypse ne peut pas exister, c'est-à-dire rien ne peut entièrement disparaître. Symétriquement, une catastrophe purement positive, donc son renversement et péripétie, est difficilement concevable. Imaginez une catastrophe où tout le monde s'en sorte, ce serait formidable. Un grand récit de catastrophe, c'est l'apocalypse, mais vous êtes tous élus, là, Dieu arrive. Il n'y a plus de lac de soufre, il n'y a pas de réprouvé, tout le monde est élu, on ira tous au paradis. À mon avis, c'est pas très concevable, on est dans autre chose ou alors dans la comédie. En sens, en tout cas, il me semble qu'une fiction acceptable de catastrophe, qu'elle soit documentaire ou imaginaire, qu'elle soit fictive ou non, exige toujours de préserver cette articulation essentielle. Ne regarder qu'au positif, ne regarder qu'à la manière de s'en sortir, c'est le degré zéro d'une philosophie publicitaire. Ne regarder au contraire qu'au négatif ou qu'au désastre, c'est une forme, au fond, de nihilisme paresseux. On ne s'en remettra jamais. C'est toujours paresseux, puisque de fait, on s'en remet des catastrophes passées comme des catastrophes à venir. Rassurons-nous, le jour où on ne s'en remettra pas, on ne pourra pas en passer. Bon, je passe là-dessus. Il faudrait articuler encore l'authentique à l'inauthentique. Il faudrait tenter d'articuler l'authentique à l'inauthentique, parce qu'au fond, dans une grande catastrophe collective, on ne sait pas qui porte l'authenticité de l'expérience. L'authenticité de l'expérience, hein, qu'on donne au sens simple de l'avoir vécu en propre. À certains égards, l'authenticité de l'expérience, c'est seulement ceux qui y étaient, les auteurs, les survivants individuels qui en sont, qui ont authentiquement peuvent parler de cette expérience, puisque justement ils y étaient. En un autre sens, les seuls dont on est sûr que, depuis leur expérience, ils ne peuvent pas parler de cette catastrophe, puisqu'il y a une immense catastrophe collective, c'est les survivants. C'est les survivants. Si on parle de la Shoah, si on parle des attentats, il est peu probable... il est peu probable, il y a, je crois qu'il y a un cas à Paris, un homme qui était au Bataclan, puis qui est finalement pas rentré au Bataclan, il a préféré rentrer chez lui et il est descendu prendre un verre au Petit Carillon, puisqu'il habitait au-dessus du Petit Carillon. Bon, ça, c'est un cas un petit peu limite, mais au fond, personne n'est là dans toutes les dimensions de la catastrophe, dans la catastrophe collective. Donc la seule authenticité, au fond, c'est l'authenticité historienne, c'est la fiction qu'on a construite et qui fait sens pour produire au-delà des cas individuels cette expérience. Bon, on pourrait prendre des exemples, on s'en fout des exemples, je passe pour qu'on discute. En tout cas, il me semble que cette articulation de l'authentique et de l'inauthentique rend un peu caduque le débat, qui est un débat très français, sur l'interdit ou non de la fiction dans les catastrophes. Et au fond, est-ce qu'on doit être du côté du témoignage, du côté de la parole, du côté de l'image, du côté du symbolique ou du langage ? Il me semble que ces débats-là sont pas... ces vieilles oppositions sont de 13 années 80, tiennent pas tellement aujourd'hui. Ah, on ne peut pas rejouer Lanzmann contre Godard et inversement, pour la simple raison que ce soit le discours et le langage comme l'image, les deux sont immédiatement des formes impures et des mélanges d'authenticité et d'inauthenticité. La dernière articulation, il me semble, ce serait celle qui m'intéresserait le plus, ce serait d'articuler le comique au tragique. Au fond, c'est ça, c'est pour penser la catastrophe, on est obligé d'être dans une voie tragicomique et l'enjeu, c'est justement d'être capable de penser ce comique-là, mais au lieu même, et c'est là la difficulté, c'est que ça ne peut pas être un comique importé, c'est là où il y a une exigence d'invention du comique. Bon, il faut s'empêcher de rire, d'en rire avant d'être obligé d'en pleurer. Mais un peu à la manière du comique le plus simple, c'est ce que dit Beckett à la fin de, dans Où les bourreaux, beau jour, que finalement tout compte fait, le malheur est la chose la plus comique du monde. Ça peut être la même chose pour une catastrophe, ça peut être la chose la plus comique du monde, sauf qu'il faut se l'arracher, il faut se le gagner. Un comique qui ne serait pas constitué, il y a un comique des catastrophes, il y a un comique de ceux qui expérimentent la catastrophe, il y a un type d'humour, il y a un type d'ironie, qui est un type d'humour et d'ironie construit, inventé dans la catastrophe, ce qui n'est pas inventé dans le tragique. Donc il ne faut pas penser le tragicomique comme un mélange au fond d'éléments tragiques et d'éléments comiques, mais il faut penser le tragicomique comme une articulation beaucoup plus essentielle, un comique qui soit entièrement réinventé, il faut réapprendre à rire après une catastrophe, donc qui soit entièrement réinventé du fond du sens tragique de ce qui s'est passé, et un sens tragique qui lui-même n'interdit pas, en tout cas ne se pose pas comme impossibilité d'en rire. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? Tentons un cas. Nous venons de voir que chercher à articuler expérience privée, expérience collective d'une catastrophe exigeait au moins quatre articulations imbriquées les unes dans les autres. Articuler le possible à l'impossible, le positif à la négativité, l'authentique à l'inauthentique et le tragique au comique. Peut-on appliquer de telles normes fictionnelles aux catastrophes écologiques, puisqu'on vient de sortir de la COP21, aux catastrophes écologiques à venir qui risquent de surpasser en horreur tout ce qu'on a jusque-là connu? On obtiendrait ainsi, en tout cas, quatre lignes directrices. De l'impossibilité de faire quoi que ce soit, comme gérer des centaines de millions de réfugiés, il faut parvenir à extraire des possibilités inédites et inouïes. C'est-à-dire, il faut de l'impossibilité même, sincèrement, c'est la panique, on a le Front National à 40% avec quoi, 500 000 réfugiés dans la Méditerranée. Quand ces 500 000 vont devenir 500 millions, il se passera quoi? Le PN sera à 800%, à 900%, à... Donc c'est là justement où il faut accepter cette impossibilité-là, on ne saura pas gérer. Ah, et au moins, on arrêtera d'employer le mot gérer, ce qui est une très très bonne chose. Ah, on ne saura pas faire, mais du même coup, il faudra tout réapprendre, parce que toutes nos catégories seront invalides. Ah, il faudra changer nos tables de valeurs, il faudra changer nos modes de vie, il faudra changer absolument tout. Ah, d'où aussi cet optimisme absolu et ce goût révolutionnaire, au fond, pour toutes les catastrophes, parce que il y a l'exigence fondamentale de l'impossible, de retrouver un nouveau sens du possible. C'est au contraire dans le possible que tout avenir différent apparaît comme impossible. De la négativité atroce que vont connaître des millions de personnes, ils vont souffrir, nos enfants et nos petits-enfants, nous, grâce à l'alcool et la cigarette, on ne sera plus là. Enfin, c'est dans pas très très longtemps, en tout cas, ils risquent de souffrir terriblement. Il faut parvenir, à mon avis, à faire surgir ou à concevoir des formes inédites de vie, des nouvelles solidarités, une nouvelle attention à l'autre, de nouveaux partages. En bref, c'est une exigence d'être non pas moins humain, mais plus humain là-dedans. De l'authenticité des souffrances qui vont être produites, il faut parvenir aussi à faire un éloge de l'inauthenticité, inventer un nouvel éloge de l'inauthenticité, de l'absence de racines, de l'absence de terre, puisqu'au fond, on risque d'être tous de devenir réfugiés et tous de vivre sous la tente. Et de, comme du pire et du plus catastrophique, un peu comme le photographe MacLean, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait des photographies de toutes les pollutions aquatiques, c'est absolument somptueux par avion. Une rivière polluée, c'est splendide. Vous avez des dégradés. De rouge, de vert, c'est très très beau. Bon, on peut encore faire de l'art avec le désastre. C'est là l'une des choses étranges dans les catastrophes dont tu parlais, etc. C'est au fond pourquoi c'est toujours tiré vers une esthétique de la laideur. Alors je sais pas, j'ai pas lu le dernier texte dont tu parlais, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la catastrophe des très très grandes beautés? Des très grandes beautés, alors il faut faire attention à ce qu'on dit, mais un peu à la Stockhausen, disons, après le 11 septembre, que c'était le grand happening le plus grand happening du début du 21e siècle. Bon, est-ce qu'on pourra parvenir à faire toutes ces choses-là? Il me semble qu'il est très très probable que non. C'est bien pour ça qu'il s'agit de catastrophe. Donc il est très probable qu'on ne s'en tirera pas. Il est très probable qu'on va tous mourir. Ah, mais comme il s'agit de catastrophe, tout ce qu'on dit là, on ne peut pas le penser, donc on peut continuer à en parler. Ah, je vous remercie de votre attention. Bon, c'est toujours dur de lancer la première question. Moi, je suis chaud là. donc, Mathieu, ce sera au fond sur cette imagination. Et moi, Mathieu est un immense spécialiste internationalement reconnu de la science-fiction. J'ai pas du tout ta culture science-fictionnelle, parce qu'au fond, l'un des problèmes que j'ai avec la science-fiction, c'est dans le post-ap, même les choses un peu mieux. Un type La Route de McCarthy, etc. Au fond, ça reprend toujours le même scénario. Et il me semble que pourquoi, et ce serait la question que je te poserais, du point de vue de la question que tu posais de l'imagination, pourquoi au fond on tombe toujours, semble-t-il, et beaucoup moins dans le documentaire. C'est-à-dire qu'au fond, il me semble que c'est infiniment plus inventif un documentaire réaliste, censément réaliste, de ce qui a eu lieu. C'est obligé d'inventer des dispositifs, des formes de montage, des formes d'écoute, beaucoup plus. Qui m'éveillent, qui me surprennent beaucoup plus que les catastrophes de science-fiction. Et moi, si on reprend le concept de Winnicott, quand il distingue le dreaming du fantasying, le dreaming c'est le rêve, on dirait c'est l'imagination créatrice, c'est la capacité qu'on a à rêver à s'inventer de nouveaux mondes, ou c'est le principe d'utopie, ou principe espérance de Bloch. Et le fantasying, au contraire, c'est c'est la fantasmatisation, c'est quand on s'enferme dans les mêmes scénarios. Et il me semble qu'on tombe toujours, très souvent dans la science-fiction, du dreaming au fantasying. Est-ce que c'est le sujet qui s'impose ou est-ce que c'est pas vrai ou est-ce que je connais pas assez? Je sais. C'est-à-dire que Plusieurs éléments de réponse. D'abord, je pense que la science-fiction est vraiment traversée par une tension assez fondamentale entre la volonté de présentation d'un monde, c'est-à-dire la volonté de donner consistance à un monde, une ambition, disons, topographique. Je pense à un très beau texte qui est trouvable sur Internet de Jean-Michel Salonsky sur la science-fiction et sur le type particulier de constitution de monde possible, ou de rapport au monde possible que la science-fiction implique, où il explique en gros que là où les récits de fiction impliquent toujours la position d'un certain nombre d'éléments, de décors qui postulent un monde dans lequel le récit advient, la science-fiction, elle, est essentiellement tendue vers la production de la consistance de ce monde lui-même. En gros, la science-fiction se ferait du décor le personnage principal ou l'enjeu principal, même si, par ailleurs et en même temps, la science-fiction a une dimension a une dette envers le récit d'aventure qui risque toujours de la remettre sur les rails et sur les mêmes rails. Je pense que cette tension entre la présentation d'un monde pour lui-même, monde à l'intérieur duquel les personnages se meuvent, mais ce qui arrive au personnage est au fond assez secondaire. L'important, c'est ce monde. Et l'intérêt qu'on peut porter à ce qui arrive au personnage, la tension est vraiment fondamentale dans le genre. Ça me fait penser un petit peu à ce que dit Jameson dans ce livre qui s'appelle « Penser avec la science-fiction » à propos du roman noir. C'est dans l'introduction, lorsqu'il dit que le roman noir de Chandler, par exemple, quel est l'enjeu du roman noir des années 40, c'est de faire voir aux Américains le monde dans lequel ils vivent. Sauf que ce monde dans lequel ils vivent, ils ne le voient pas précisément parce qu'ils y vivent. Ils ne voient pas les vérandas, les voitures qui circulent, le crépi écaillé des villas californiennes, etc. Et pour leur faire voir, on va y installer un récit de type policier. Mais le récit policier n'est que la condition de présentation du monde pour lui-même. Donc je pense qu'il y a cette tension-là, elle est vraiment importante dans le genre, y compris, enfin sous toutes ses formes d'ailleurs, si vous prenez si on parle non pas de la littérature de science-fiction ou du cinéma de science-fiction, mais si on pense aux jeux vidéo de science-fiction par exemple, si vous prenez un jeu comme Fallout 4, par exemple, qui est le dernier en date de cette série, qui est une série post-apocalyptique, entièrement fondée sur le fait qu'on se balade dans un monde 100 ans ou 200 ans après la catastrophe nucléaire, le jeu est entièrement pris dans cette tension-là, c'est-à-dire que d'un côté, c'est le plus grand monde ouvert que les jeux en monde ouvert aient présenté jusqu'ici, c'est-à-dire qu'il est possible de se balader sur des dizaines de kilomètres sans être à aucun moment, sans avoir le sentiment d'arriver aux limites du décor. Et c'est affreusement désespérant, parce que ce monde est vraiment, est vraiment ruiné. Et en même temps, pour donner sens à cette circulation, le jeu ne va pas jusqu'au bout de sa dimension expérimentale, c'est-à-dire qu'on suit un personnage qui va devoir reconstituer sa fortune, ses éléments, son bricolage, ses armes, etc. Et c'est Robinson Crusoe. Ouais. Donc cette affaire-là, elle est vraiment... elle est vraiment très constitutive du genre. Ensuite, je trouve par ailleurs quand même que ton jugement est un peu général, c'est-à-dire que, à mon avis, pour répondre à la question, c'est-à-dire pour sortir de ce sentiment que la science-fiction nous raconte au fond toujours la même histoire quand elle nous parle de catastrophes et que les documentaires sont bien plus riches, je pense que c'est vrai. Hein. À l'exception peut-être, moi je sauverais ou j'irais chercher davantage du côté des nouvelles de science-fiction. Il y a de ce genre qui, dans la science-fiction américaine en tout cas, a trouvé vraiment son moment d'épanouissement au moment de la guerre froide et où il s'agissait de raconter, de pitcher l'apocalypse. C'est-à-dire vraiment de rassembler dans un récit court, ironique ou terrifiant la manière dont les choses pourraient absolument mal tourner ou ce qui pourrait se passer une fois que les choses ont mal tourné. Je pense que la nouvelle, précisément parce qu'elle interdit un développement narratif de type récit d'aventure au long cours, la nouvelle, à ce moment-là, est devenue la nouvelle américaine, la nouvelle d'Amazing Stories ou de ces magazines de l'époque, ou Standing, est devenu le lieu où se pensait quelque chose à propos de la peur de l'apocalypse, qui était vraiment la grande affaire à l'époque. Oui. Vous avez un... comment est-ce qu'on va réussir à sortir de la catastrophe. Et dans bon nombre de cas, plus ou moins Batman, Armageddon, Independence Day, il y a toujours un héros américain qui arrive à empêcher la catastrophe. Et ça, c'est pas anodin. Je crois qu'il y a un côté très narcissique là-dedans, ça vient des États-Unis. Et ça m'amène à un constat, c'est que, ou plutôt à une interrogation, c'est comment les peuples qui sont moins narcissiques que nous le sommes, pense la catastrophe. Ce que je veux dire, c'est que la catastrophe, c'est toujours un peu comme la logique patrimoniale, savoir s'enorgueillir de ce qu'on est nous-mêmes. Enfin, c'est ce que disait François Chouet. La catastrophe, c'est qu'est-ce que sera le monde une fois que nous, on ne sera plus là en réalité. Parce que, après tout, la véritable catastrophe, c'est celle que pointait Lyotard en humain, c'est l'explosion du soleil. Ça fait qu'on disparaît, mais en fait, ce n'est pas une vraie catastrophe, puisque l'univers continue à exister, c'est nous qui n'existons plus. Et donc, je ne sais pas s'il y a des écrits, des témoignages de sociétés qui seraient beaucoup moins narcissiques que nous, mais à mon avis, c'est intéressant de chercher dans ce sens-là. Est-ce que vous en avez connaissance ? Parce qu'après tout, on a peur que disparaisse notre modèle, que puisse pas se transmettre nos idées, nos œuvres, nos chefs-d'œuvre. Si, moi du peu que je connais, si vous parlez de ça, du peu que je connais, il faudrait parler des Amérindiens, de la manière dont les Amérindiens envisageaient la catastrophe. Elle est omniprésente en tout cas dans les mythes, ce que racontent les Strauss par exemple dans Histoire de Lynx, il le racontait déjà dans Race et Histoire, ce problème, pendant que les Espagnols discutaient pour savoir si les indigènes avaient une âme, les indigènes eux-mêmes trempaient les corps des conquistadors dans l'eau pendant des semaines pour voir si leur corps et leurs cadavres étaient putrécibles. Et parce que si leur cadavre n'était pas putrécible, alors ça correspondait à leur mythe qu'effectivement une catastrophe, mais qui était ouverte, est-ce que c'était des dieux qui venaient pour leur apporter, les faire monter au ciel, ou est-ce que c'était... Mais la manière dont Lévi-Strauss décrit en tout cas moins des sociétés sans histoire que des sociétés contre l'histoire, c'est des sociétés qui sont dans les sociétés traditionnelles sont des sociétés qui sont hantées par la catastrophe possible et dont tout le travail, en tout cas tout le travail mythologique, est un travail de compensation contre la catastrophe. Alors c'est certain que la catastrophe, elle concerne toujours le groupe et elle concerne toujours l'ensemble et elle ne concerne jamais l'individu. Après ça, dans ce narcissisme au fond, le héros dans les films, dans les cochonneries, oui, il y a le héros. Il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de basculer. Peut-être je me trompe, hein, et qui est en train de basculer parce que les temps ont changé, et qu'on n'est plus dans les années 50 ou dans les années 60. La terreur absolue, parce que nous racontent nos parents ou nos grands-parents, leur terreur absolue de la fin du monde, chez Anders, chez des gens comme ça, le sommet, c'est quand même Cuba. C'est la crise des missiles de Cuba, où là, ils se disent... Soit on meurt tous, soit on survit. Donc on est quand même dans la pensée de l'alternative. Ce qui s'écrit aujourd'hui, c'est quand même que la catastrophe, elle a lieu. Alors on peut encore, pour faire vendre, et puis parce que c'est trop désespérant, etc., rajouter des héros, mais le héros est un peu... Il arrive dans la catastrophe, il sauve une petite chose, mais personne n'y croit beaucoup quand même. Il me semble qu'on est passé dans une vision beaucoup plus pessimiste de ça, mais que je ne crois pas du tout que cette angoisse des catastrophes, il est propre à nos sociétés. En tout cas, c'est une pensée qui peut hanter, bon, aussi peut-être, ce que raconte Jared Diamond, parce qu'eux, ils ont vu des catastrophes, ils ont vu des civilisations, des tas de civilisations disparaître sous leurs yeux, les Mayas, etc., les Olmecs, beaucoup d'autres. Donc je ne sais pas. Je pense que après faudrait demander est-ce qu'il existe aujourd'hui une pensée radicalement autre qui ne soit pas prise dans le prisme à la fois hollywoodien et capitaliste, qui quand même qui dirige, c'est là où c'est un empire, hein, ça dirige quand même le mode de pension. On peut penser contre, hein, mais au fond l'idée qu'il y aura encore une autre pensée de la mort, une autre pensée, mais la pensée de la catastrophe, elle est vraiment très très moderne, telle qu'on la pense, c'est-à-dire d'avoir lié et articulé cette dimension de désastre, pour un désastre de masse, c'est autre chose. Et puis après ça, quand on regarde comment c'est pensé avant les catastrophes, je sais pas, ça fait peur, quoi. Moi, ceux qui pensent différemment de nous, ils me font peur. Quand je dis l'apocalypse, j'ai les jetons, je me dis, mais ils sont fous. Jean de Patmos, ils buvaient. C'est quand même une atrocité. Il décrit ça avec une joie. c'est génial. 144 000 vont s'en sortir. Tous les autres vont brûler, être livrés à la bête ou au lac de soufre, disparaître dans la seconde mort, être vomis par Dieu et transpercé par les quatre cavaliers de l'apocalypse. Bon, c'est une abomination. Quand on lit la Genèse, quand même, la plus grande catastrophe de l'histoire, c'est quand même le déluge. Hein. C'est un génocide moins 2 ou moins 4 avec les enfants. Et là, il n'est pas très content. Il dit qu'il ne recommencera pas. Bon, finalement, il cherchera autre chose. Mais enfin, il est assez bonhomme. Il a tué toute l'humanité sauf 5 personnes de chaque espèce. Et c'est pas très grave. Dans ce type de récit de catastrophe. Parce qu'après ça, si on regarde dans notre culture à nous, la catastrophe de l'Atlantide, c'est très très ancien, ça hante. Et la catastrophe, la disparition des civilisations, ça les hante, les anciens, très considérablement, je crois. Merci. Non, en fait, justement, ce qui me paraît vraiment très nouveau dans l'imaginaire de la catastrophe aujourd'hui, c'est que jusqu'à présent, il y avait toujours le refuge de la fiction, que ce soit dans les films de science-fiction, que ce soit dans les récits apocalyptiques, d'illuminer ou de quoi que ce soit. Et aujourd'hui, en fait, il y a presque quelque chose de très scientifique. Enfin, c'est-à-dire que, grosso modo, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que, comme vous le disiez, c'est pour bientôt et inévitable. Et donc ça me paraît vraiment radicalement nouveau, et même à un titre individuel, c'est-à-dire comment soi-même se positionner par rapport à ça, quoi. C'est comme si, je trouve, pour reprendre justement l'exemple de la Shoah, au lieu de l'imaginer a posteriori, c'est-à-dire d'avoir été obligé de passer dedans sans vraiment comprendre, en tout cas pouvoir se permettre de se voiler un peu la face, etc., et se retrouver après avec la question du sens, de comment on va faire pour vivre avec, etc., on se retrouvait avant, c'est-à-dire 50 ans avant, en sachant que cette chose allait se passer, et qu'elle nous attendait, qu'elle était là, inévitable, et donc avec quelque part les bras coupés, et contraint de devoir continuer à avancer avec les bras coupés. Et de se dire le sens nous manque avant même de devoir se confronter de manière obligée à ça, etc. Et donc moi c'est ça effectivement que je trouve très nouveau et très difficile même à assumer. Et je pense aussi bien à un niveau peut-être en tout cas individuel, je trouve qu'on le ressent très fortement. Collectivement, j'ai l'impression que c'est tellement impossible qu'effectivement quand on voit la COP21, etc., les gens n'essayent même pas de le penser parce que c'est trop difficile, donc ils n'en parlent même pas, ils passent à côté, enfin, de toutes les manières possibles. Et voilà, c'est ça que moi je trouve vraiment, et c'est, je ne sais pas, effectivement, il y a des récits de la mort, on n'a pas tellement de récits de la catastrophe, mais j'ai l'impression qu'à un niveau individuel, c'est un peu comme quelque chose qu'on a peut-être fait depuis plus longtemps, c'est-à-dire comment intégrer l'avancée de la mort et continuer à vivre en sachant que de toute façon, c'est sûr, on va mourir. Donc, ça fait des siècles que les êtres humains font ça et trouvent différents subterfuges ou l'affrontent, tout ça. Mais... Donc voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est confronté à ça. Et ce que je trouve en plus très intéressant, finalement, c'est que les quelques tentatives, effectivement, les seules réponses qui existent aujourd'hui à ça, c'est le passage collectif par la fiction, en fait. C'est-à-dire que la plupart des gens, enfin, des tentatives un peu de village en transition, tout ça, etc., cherchent une réponse, en fait, ils passent par l'idée que la seule chose qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de se raconter collectivement ça pour pouvoir... c'est la seule issue qu'on arrive à trouver face à une impuissance totale, en fait, c'est intégrer... enfin, voilà, intégrer toute cette fiction dans la réalité pour la première fois, en fait. Si... pour essayer de... Ça, ce que vous dites, ça me fait penser à différentes choses. Ça me fait penser au fait que, pour passer à un tout autre sujet encore qui ne soit pas plus drôle, ce qui s'est beaucoup dit après les attentats du 13 novembre, c'est que là où les attentats de janvier étaient encore pensables dans les termes d'une séquence, avec une chose abominable qui se produit, et puis ensuite... On se demande comment on va pouvoir faire. La difficulté après le 13 novembre, c'est qu'on n'était pas du tout dans l'après. Qu'on était dans un pendant, dans un maintenant qui se maintenait et dont le terme n'était pas assignable. Donc, cette articulation de l'avant, du pendant et de l'après, c'est ce que vous appelez l'anticipation, qui est en même temps une forme de remémoration, était profondément nouveau et taraudant. Je crois que c'est quelque chose d'assez important. Il y a une piste sur laquelle on s'est pas arrêté, je pense, ni l'un ni l'autre, dans le titre de la séance. Imaginez ou envisagez l'après-catastrophe, c'est cette affaire de l'après. C'est-à-dire, est-ce que la question, Pierre l'a posée sur l'articulation catastrophe individuelle, catastrophe collective. Moi, j'ai posé un petit peu la question du côté de ce que c'est que l'imagination et comment elle fonctionne. Je pense qu'on pourrait s'interroger sur le type de temporalité dans lequel notre affaire et notre expérience s'inscrit. Je voulais le faire, en fait. Je dis qu'on verra ça une autre fois. Mais je suis frappé, par exemple, quelqu'un comme Jared Diamond, on a cité Jared Diamond tout à l'heure, le dernier chapitre, je crois, d'Effondrement, qui est donc ce livre dans lequel Diamond compile un certain nombre de disparitions de sociétés, de civilisations, et les leçons écologiques qu'on peut en tirer. En gros, le dernier chapitre du livre est sur Los Angeles. Los Angeles actuellement, pas le Los Angeles imaginé par Blade Runner, mais le Los Angeles actuel. Mike Davis dit ça, on se demande toujours comment nous allons faire, regardez comment nous faisons. On dit toujours que l'humanité risque de disparaître, et on n'y croit pas beaucoup. Le problème n'est pas de ne plus vivre, c'est de vivre mal. Regardez comment nous sommes coincés tous les jours dans des embouteillages, regardez quelles sont nos conditions actuelles de vie. Donc, et reporter vraiment la question sur le maintenant, pour éviter ce côté après et plus tard, et pour reposer la question au sens de... Ça, c'est une chose. Une autre chose... Quand j'avais imaginé justement travailler sur cette question de l'après, j'ai pensé au fait très simple qu'en philosophie, et en philosophie politique, depuis 10-15 ans, la thématique du messianisme est revenue depuis la relecture de Benjamin, depuis le spectre de Marx, de Derrida, depuis les travaux d'Agamben, etc. La thématique du messianisme est revenue très fort dans... la compétition, elle est devenue l'un des motifs à nos amis Tikkun sont aussi dans une forme d'interrogation de ce type-là. Messianisme, non pas au sens de l'attente de l'homme providentiel, pas au sens de l'attente du Messie, mais au sens de l'imminence. Agamben dit dans son séminaire sur Saint-Paul, il dit si on voulait réduire à une formule la différence entre le messianisme et l'apocalypse, entre l'apôtre et le visionnaire, je crois qu'on pourrait dire que le messianique n'est pas la fin du temps, mais le temps de la fin. Il dit, voilà, penser le messianisme, c'est pas penser la fin des temps, c'est penser le temps de la fin, c'est-à-dire quel type de posture exige de nous le fait d'être dans l'imminence, c'est ce que vivent les communautés messianiques, hein, ça va arriver tout de suite, le Messie va arriver dans l'espace de notre vivant, enfin, c'est ce que pensaient les premiers chrétiens. Et qu'est-ce que c'est que d'être, de s'installer dans une forme d'imminence? Quel type de foi ça exige? Quel type de rapport à soi et au monde? Et quel type d'articulation? Ce qui est au fond la question commune à Marx, à Grandmaine et d'autres, c'est quel type d'articulation politique ça peut donner? Quel genre de, par exemple, quel genre de disponibilité on a? C'est toute la thématique autour de l'usage chez Grandmaine, lorsqu'il dit quand on est dans l'imminence de la fin des temps, on n'est pas propriétaire des choses. On en fait usage. On n'est même pas propriétaire de soi-même, on en fait usage. Au fond, il y a une forme de l'habilité de notre rapport au monde liée au fait que de toute façon, on est dans l'imminence de la fin. Et une amie a posté sur Facebook récemment un statut formidable qui était vu l'état dans lequel on va laisser le monde à nos enfants, je suppose qu'on peut s'asseoir sur la caution. Et je trouve que c'est extrêmement juste. Enfin, cette idée qu'il y a une forme de liberté, d'attitude vis-à-vis de nous-mêmes, qu'on peut tirer évidemment dans le sens de la pire cochonnerie, ou qu'on peut tirer dans le sens d'une marge de manœuvre accrue vis-à-vis de ce qui nous semble des contraintes indépassables. Donc je crois que cette affaire-là, et je pense qu'il y a, par ailleurs qu'il y a différentes articulations politiques possibles du messianisme. Le messianisme de Benjamin n'est pas le messianisme d'Agamben. Le rapport au passé n'est pas du tout le même. Comment? Ou de bloc. Ou de bloc. C'est pas du tout la même chose, mais c'est lié à cette affaire, moi, je dirais. Il y avait une autre. Du coup, je me demandais par rapport à ce que vous venez de dire. Du coup, c'est le temps de la crise. Alors, à la fois, vu que c'est une temporalité comme ça, immédiate, alors à la fois, peut-être que ça permet de mettre le pied dans le plat, de plutôt monter sur le niveau, avec comme ça, toutes ces catégories qui disent pas toutes obsolètes. Mais à la fois, face à du coup, cette multiplicité dans cette immédiateté, du coup, c'est la question peut-être basique de comment penser, de comment construire du coup, une pensée dans l'urgence, dans la crise, où l'avant, l'après, l'anticipation et à la fois l'après-coup qui permet le sens, la formation de sens. Du coup, comment penser en crise? Bah. Quelle pensée? À partir de quelle phase catégorique? Ouais. C'est là, au fond, où je ne sais pas, je ne suis pas entièrement sûr que ce soit entièrement nouveau aujourd'hui. Il y a une chose nouvelle. La chose nouvelle, c'est qu'on est rentré dans des... On parle d'anthropocène. Hein, les géologues, d'habitude, ce n'est pas les géologues qui interviennent. Mais même si vous regardez sur les autres catastrophes, c'est souvent... Alors, si on est dans la géologie, on est dans des temps beaucoup plus longs. Est-ce qu'on n'a pas l'habitude, justement, Mathieu parlait du messianisme, et le messianisme, c'est une forme de catégorie de pensée, donc de disponibilité à l'advenu. Donc c'est pour ça que chez Benjamin ou chez Bloch, plus un messianisme juif en fait, que chrétien, parce que le messie, il est arrivé. Quoi. Il est là. t'oublies qu'il est là. Même s'il y a un messianisme chrétien, mais qui est plus compliqué. Mais le messie, c'est plus important c'est juste de croire au messie que de croire en Dieu. Dieu, on ne sait pas. Il est transcendant. Mais en revanche, que le messie vient, ça, c'est sûr et certain. Donc, ces catégories, elles sont disponibles. Et si vous regardez l'ensemble, à la fois très, très lointainement, sur, je crois, ces manières d'anticiper, lisez les psaumes de David. Par rapport à aujourd'hui, c'est un drôle de mélange, ce David. C'est à la fois un expert du GIEC et le Florian Philippot, quoi. Des ennemis partout. Et en même temps, il est assez lucide. Et il dit, on déconne, hein, c'est nos impiétés, ça va mal tourner. Et puis après, il reprend un peu espoir. Il essaie vraiment, avec les psaumes, d'inventer les catégories en cas de... Bon, est-ce que c'est... Clairement, les psaumes, c'est écrit longuement. C'est pas écrit pendant le... Déportation à Babylone, ça a été refait après, ils ont mélangé des traditions diverses, mais c'est quand même extrêmement beau. Mais en même temps, il y a cet enjeu, je crois, de chercher de nouvelles catégories. Prenez par rapport à la crise climatique aujourd'hui, ce que disait Mathieu, qui est très important, je crois, on a des catégories qui tombent, c'est-à-dire que la catastrophe, elle a toujours déjà eu lieu. Ce qui a changé, c'est pas ça risque de se produire. Cuba, et s'il y avait la troisième guerre mondiale, c'est que la catastrophe, elle a eu lieu. Le réchauffement climatique, il a eu lieu. Maintenant, c'est lancé. Ça ne va pas s'arrêter. C'était la métaphore de la voiture. Donc, on est au cœur de la catastrophe. Et le propre de la catastrophe, c'est que je ne sais pas qu'elle risque d'arriver, c'est qu'elle a déjà arrivé. Et le propre de la catastrophe, c'est pas qu'elle va arriver dans l'avenir, mais qu'il y a un après-catastrophe, mais c'est qu'au fond, elle finit jamais. Parce qu'au fond, les conséquences font partie de la catastrophe elle-même et la vie d'après la catastrophe, c'est la catastrophe. C'est cette vie aussi après la catastrophe qui est au fond le pire de la catastrophe. La catastrophe de la Première Guerre mondiale, c'est quoi ? C'est la Première Guerre mondiale ou c'est la Seconde ? Ou c'est le nazisme ou c'est Hitler ? Bon, ça fait partie de la même catastrophe en un sens. Lisez par exemple l'écriture du désastre. 1980, on n'est pas du tout dans un schéma écologique. Bon, quand toutes les fragments de Blanchot, alors lui, il essaie plutôt de penser la Shoah, la disparition de la littérature, la fatigue propre, l'impossibilité d'écrire, etc. etc. Mais dans les types de catastrophes et de désastres, au sens propre d'abord, de perte de son astre, hein, vous parlez du soleil, de l'expiration du soleil, je pense qu'on sera mort bien avant que le soleil nous ait bouffé. La Terre a commencé sans l'homme et finira sans lui, comme dit Lévi-Strauss, ça c'est acté, et qu'on doit penser en fonction de ça. Donc changer ces catégories de réapprendre à vivre dans un temps fini, réapprendre que la catastrophe, elle a toujours déjà commencé, qu'elle elle aura au fond pas de terme, puisque le terme de la catastrophe, c'est le terme de tout, et que dans ces nouvelles catégories, si vous regardez bien, chaque nouvelle catastrophe est... Il y a cette tentative pour repenser une nouvelle catégorie. Bon, c'est pas pour rien. Si Bloch, Benjamin, l'époque à laquelle ils écrivent, ils cherchent dans le messianisme une nouvelle catégorie pour penser à la montée du fascisme, c'est pas pour rien. Et c'est très proche, au fond, de... même la Shoah, c'est incroyablement documenté. Vous dites, on pouvait pas savoir, alors que nous, on sait ce qu'il y aura dans 50 ans. Mais on pouvait savoir, c'est écrit dans Malkoff, il y a les esprits lucides, le crit partout, c'est annoncé, il y a énormément de gens qui le disent, lisez Karl Kraus, qui voit parfaitement ce qui va se dessiner, alors pas au détail près, est-ce que ce sera du cyclone A ou du cyclone B, ils ne savent pas, mais qui pense que ça va très très très très mal tourner cette affaire. Il disait même déjà Nietzsche, il y a des pages incroyablement prophétiques. Bon, c'est une vieille question, la question juive qui monte en Europe, pas qu'en Allemagne pendant tout le 19e siècle. C'est quand même très, très, très documenté. C'est des temps aussi assez longs. Et tout le monde, les esprits lucides le disent, et personne ne peut l'imaginer, le concevoir. Est-ce que c'est si différent ? Est-ce que c'est si différent ? Et même au cœur de la catastrophe, c'est les aristocrates pendant la Révolution française qui continuent à danser en attendant la charrette. Avec dans cette double attitude à la fois d'irresponsabilité complète et de grande classe. C'est la folie dans la force majeure de Clément Rosset. C'est extrêmement drôle quand il décrit l'orchestre du Titanic qui joue et qui chante jusqu'au bout. Il aura chanté « Le Titanic est insubmersible, le Titanic est insubmersible ». Jusqu'au bout, et on leur demande de chanter, et ils jouent, et ils chantent de la musique, il est en train de couler, il est quasiment à la verticale, et l'orchestre, enfin tous les témoins ont témoigné que l'orchestre, jusqu'au bout, à la verticale, continue à jouer, à chanter, le Titanic est insubmersible, et qu'il y a quand même dans cette puissance de dénégation, et je crois qu'on est exactement là-dedans. Et là-dessus, c'est pas si nouveau que ça, on est sur le Titanic, sauf que le Titanic, c'est un peu plus gros qu'un bateau, ça s'appelle la Terre. Mais on a des tas de chanteurs qui continuent à nous chanter la Terre est increvable. Quand c'est Claude Allègre, on a envie de pleurer, mais quand c'est les gens qui rient, qui vivent et qui continuent à prendre l'avion, à se nourrir et qu'on a toujours leur gros diesel qui pue, c'est pas terrible, mais enfin, il y a quelque chose chez ces gens-là, dans cette espèce de foi primitive dans la vie qui m'impressionne. C'est horrible, on va tous mourir, mais. Il y a encore quelque chose d'assez impressionnant. Enfin, comme ces aristocrates qui dansaient, effectivement, ou ce gars qui tombe en montant à l'échafaud, qui se casse le nez, qui dit la journée commence mal. Bon. Ils manquent pas d'une certaine élégance morale du fond de leur folie. C'est rassurant, je sais pas, non, je crois qu'il n'y a pas du tout. L'enjeu, c'est pas du tout de se rassurer. On est tous morts d'inquiétude. C'est pour ça qu'on rit, c'est pour ça qu'on. Mais l'inquiétude, elle est complète. On ne sait pas du tout où on va. Ah, on nous a juste annoncé un mur énorme. Non, mais c'est vrai, j'en ai déjà vu. Et que voilà, donc on flippe tous les matins. Enfin, je sais pas, ce matin, vous vous levez, 16 degrés au mi-décembre. Vous dites, ça y est, il y a deux ours blancs qui ont dû clamser. Enfin, je sais pas, si vous n'êtes pas dans cette inquiétude permanente, cette angoisse permanente qui fait qu'on se nourrit du film de catastrophe et que plus on est dans cette gestion de l'angoisse, moins on la pense. Je sais pas ce que t'en penses. Moins on la pense. C'est une manière, au fond, de la consommer. On nous a appris, ça, c'est le génie, la puissance. Bon, Marx était très impressionné par le capitalisme. Là, c'est quand même le plus grand artiste qui a jamais existé. La capacité qu'il a à tout récupérer, il nous envoie dans le mur. Ah, c'est moins un anthropocène qu'un capitalocène. Il nous envoie dans le mur et il en fait encore du profit. Ça, c'est formidable le passage de Vasek que tu lisais tout à l'heure. Il arrive à faire du profit de notre propre destruction. C'est un peu comme si on avait vendu aux juifs du savon à Auschwitz en leur disant allez-y les gars. On n'est pas loin de ça quand même. On nous montre comment. Il y en a qui sont marrants. Le jour d'après, dans les cochonneries, c'est marrant. Oublie de voir le président des États-Unis demander l'asile politique au Mexique. Bon, là, c'est toujours des petites choses agréables, mais bon. Il y a d'autres questions ou remarques ? Peut-être juste un point, ce serait, en fait, bon, là, il faudrait d'abord voir qu'on a parlé de départis d'expérience ou d'épreuve. Donc, j'ai toujours du mal à sentir quand même qu'il y a une proportion entre même le Bataclan et l'aboutissement de Jersey. Enfin, je veux dire, les catastrophes, elles sont vraiment à différents degrés, enfin, niveau. Juste pour. Ma question, c'est plutôt de la représentation. Disons qu'il y a deux extrêmes, au moins, en termes de représentation. Ce serait. Mais c'est bien parce que je viens de dire qu'il y a plusieurs types de catastrophes, hein, d'accord. Il y aurait une question au niveau de comment faire sentir en fait non pas l'immense mais simplement la violence en fait la puissance de déflagration de ce qu'on appelle une catastrophe mais donc avec cet éventail enfin avec ce spectre aussi large. Et il me semble que ce serait à travers le corps, la question du corps, mais justement pour ne pas être un grand consommateur du film catastrophe. Quelque chose qui m'épate en général, c'est que il y a des explosions à travers l'écran, il y en a 50 au moins de discernables, mais c'est quand même très rare qu'on voit des corps. Il me semble, bien, j'ai l'impression que si je devais donner un exemple de Transformers à Independence Day ou ce qu'on veut, le seul exemple de corps à l'œuvre dans le travail de la catastrophe, ce serait Terminator, peut-être cette explosion qui déchire. En fait le corps de la personne accrochée au grillage, j'en vois pas tant que ça des corps en fait. Et je me dis que finalement, l'autre opposé ce serait Saw, qui s'inscrit, enfin Saw, l'espèce de litanie de torture possible imaginable. Et il me semble que c'est ni dans ce cas-là, ni dans l'autre, qu'on voit ce que ça peut être la déflagration d'un corps. Et donc elle est allée chercher ailleurs, et c'est pareil pour les images d'archives. Enfin, non, je n'irai jamais jusqu'à dire que le brouillard, ne peut plus avoir d'efficacité, mais en tant qu'elle l'efficacité de la déflagration du corps, elle est plus à trouver dans des nuances qu'on retrouve dans les documentaires, j'ai envie enfin, je ne sais pas pour vous, mais les expériences quand j'ai pris la mesure de la barbarie, entre guillemets, elle s'est plutôt par des images un petit peu incidentes dans le cours d'un documentaire, et moi je vois ça très bien, par exemple, en Tchétchénie, on voit ces hordes de... ces soldats russes dont le caractère russe est vraiment évident, on voit cette force brute qui est là et tout ça, avec des prisonniers qui m'amènent un peu, mais ce qui moi m'avait vraiment choqué par exemple par le reportage que j'avais fait de Tchétchénie, c'est l'état cafard en fait d'un corps. En fait les Russes, les soldats avancent et sous une plaque plus ou moins déjà effondré, on voit quelque chose, en il a la couleur des ruines en fait. Il est grisâtre, son corps il est entre le jaune et le gris, et en fait dans ce qui reste de son regard, en fait, on ne sait même plus s'il demande de la pitié ou s'il demande juste passez votre chemin, laissez-moi crever comme un chien en fait. Et c'est pour ça que en fait, finalement, si on peut aller dans la représentation, il me semble, pour ne pas avoir vu le film, j'ai lu l'ouvrage dont il est inspiré, La route de Cormac McCarthy. On est dans une post-catastrophe, dans une après-catastrophe, et au-delà de la question, enfin des questions, je ne sais pas pour vous, mais moi je me suis vraiment posé la question de, ils trouvent des boîtes de conserve, et c'est comme ça que le récit continue en fait, c'est par l'exploitation de quelques conserves. En fait non, la catastrophe, hein, là où c'est vraiment horrible, c'est quand, au détour d'une cave, on comprend qu'en fait, ils viennent juste de passer derrière un élevage de d'êtres humains pour nourrir les survivants. Et pourtant, ça se fait que nous prendre. Mais il y a très peu de détails en fait dans la route. Donc c'est juste pour dire que l'accent de la représentation, elle va être plutôt dans la nuance que dans le maximal. Je pense qu'elle fait beaucoup plus subtilement ou plus fortement finalement. Enfin, si on devait reprendre une catastrophe beaucoup plus récente, pour moi, l'image la plus forte, c'est celle de pour le Bataclan, c'est celle d'un homme qui a. C'est pas les corps qui sont jonchés dans la rue qui est filmée, c'est un homme. On voit juste les bras bouger, et le reste du corps ne tourne pas. Et enfin, c'est pour moi, c'est dans ce genre de détail qu'on sent la... Bon, Olivier, tu es toujours corrigible. Dans ton intervention, il y a 19 problèmes que tu poses. Je ne crois pas que tu puisses répondre. Qu'est-ce que c'est qu'une image forte? Au fond, la question de la hiérarchisation des catastrophes, la question de la présence du corps. Je dirais juste deux choses. Sur la hiérarchisation des catastrophes, c'est très compliqué, parce que, encore une fois, c'est la porte ouverte à toutes les guerres mémorielles absurdes. Peut-être qu'au fond, la position de quelqu'un comme Frédéric Worms, qui dit « il y a un continuum de la catastrophe, de la tâche de café que je me fais en versant le café sur ma chemise le matin, jusqu'à l'apocalypse ». Il y a au fond un continuum de ça, parce que dans l'expérience de la catastrophe, elle est toujours en relation à... je ne suis pas sûr du tout que dans la route de McCarthy, le pire ce soit le cannibalisme. C'est l'une des formes. Le pire, c'est quand même la destruction de la nature. Il n'y a plus un arbre. C'est quand même le fait qu'ils sont encore obligés de prendre la route parce qu'ils peuvent plus se nourrir là où ils sont. Que donc il n'y a aucun espoir, ni devant, ni derrière. Qu'il n'y a plus de Dieu. Qu'il n'y a plus de ciel. Qu'il n'y a plus de. Oui, mais je ne suis pas sûr du tout que le pire ce soit absolument le cannibalisme, ça, après tout, ou l'élevage d'humains. Là, ils peuvent survivre. Au fond, il y a quand même cette idée, quand ils auront fini de bouffer tous les hommes, nécessairement, mathématiquement, il y en aura de moins en moins. Et puis, on ne peut pas difficilement survivre en se mangeant ses différents membres ou en mangeant les autres. Mais sur l'enjeu du corps, juste, je dirais, parce qu'il y en a un, moi, qui m'a le plus impressionné sur cette question. Comment est-ce qu'on montre un corps et qu'est-ce qu'on fait avec les images de corps des catastrophes, etc. Celui qui travaille vraiment, qui a travaillé de manière assez extraordinaire là-dessus, c'est Oussama Mohamed dans O Argenté. C'est le sur les corps. Qu'est-ce que je montre Est-ce que je dois les montrer? Est-ce que je ne dois pas les montrer? Les photos qu'on a trouvées sur. Est-ce que c'est bafouer les corps? Est-ce que c'est attenter à leur dignité, à leur enlever la sépulture ou pas? En même temps, ça circule sur Internet. Est-ce que faire un film, c'est pas leur faire un tombeau? Ah, c'est mort, on ne sait même pas qui c'est, etc. Et à quoi ça ressemble les corps? Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Il fait prise 1, prise 2, prise 3, et il nous les montre, et les enfants, et les femmes, et les hommes, et les types de blessures, et les corps abandonnés dans la rue pendant que les snipers tirent et personne qui peut aller les chercher, etc. Alors là, c'est un vrai travail sur qu'est-ce que c'est le corps dans la catastrophe. Et on en ressort. Oui, mais ça laisse. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord. Ça laisse les. Enfin, moi je suis très critique sur ce film, mais ça veut dire que la guerre en Syrie, la révolution, ce ne sont que des corps et que les personnes qui vivent encore, enfin, n'ont plus de. Sont réduites à ça en fait dans notre vision du conflit au final. Ce film, il a énormément de. Il y a toujours la présence de cette femme avec qui. Ouais, mais après, bon, un peu des. Ça va se voir débat, mais. Enfin, pour le coup, ceux qui, à mon sens, aujourd'hui, traitent du conflit en Syrie d'une manière... Faut parler plus fort pour ouais, ceux du fond. Ceux qui traitent du conflit en Syrie actuellement, les cinéastes, d'une manière beaucoup plus... réfléchi et qui se questionnent sur leur éthique, c'est le collectif. Vous pouvez dire que c'est pas réfléchi. Vous pouvez être contre. Non, mais pour moi, qui est beaucoup plus réfléchi, va plus loin dans la réflexion et sur le questionnement éthique, c'est le collectif Abou Nadara, et qui tous les vendredis poste des très courts métrages depuis avant le mois de mars 2011, le mois de février 2011. C'est après. Ils ont été très critiques sur la mode. Ouais, bah forcément. Ouais, hein. Mais non, mais après ça, c'est une question de montrer. Ouais, mais c'est que, enfin, nous, en tout cas, les médias, tout ça, on voit que des corps, on voit que des gens qui sont des masses de corps en détresse, etc. Et Argenté perpétue cette chose-là, à mon sens. Ils en parlent. Il le perpétue pas, il le questionne. Vraiment, il le questionne, il dit qu'est-ce qu'on en fait. Ouais, mais je ne suis pas sûre que le questionner en remontrant des corps, ça soit la bonne manière. Mais c'est mon point de vue, totalement. Après, ça, c'est parce que je suis pas. Enfin, là, je suis pas du tout objective dans cette analyse, mais. C'est pas. Je sais pas, moi, pour le coup, ce qui m'a incroyablement saisi dans ce film, mais peut-être qu'il y a des meilleurs films que ça, là, je veux pas du tout. Là où ce film m'a incroyablement touché par rapport aux films que je connais, etc., c'est que soit on est dans la négation complète du corps, soit on est dans la fictionnalisation du corps. C'est-à-dire le corps, soit il n'est pas montré, soit il est fictionnalisé, soit il est produit en cliché, c'est-à-dire qu'au fond on ne voit pas. Et dans le. Il y a un effet. Il y a un effet, je ne sais pas, tu parlais de Olivier de Nuit Brouillard tout à l'heure. Dans Nuit et brouillard, ce qui est quand même assez fort dans ce documentaire, c'est la manière dont il nous amène doucement vers le corps, vers les corps, dans le montage, etc., etc. Pour nous apprendre à les voir, on commence, on a les images d'archives, des déportations, des trains, ça on l'a vu, pour les gens de 49, ils ont vu ça. Puis après, on va commencer à montrer ce qui n'a pas été vu. Puis après, on va jusqu'au corps. Et les corps, ils sont amenés lentement. Pour moi, l'une quand même des nouvelles du conflit, pas du conflit syrien, bah c'était déjà ça en 2003 avec la guerre en Irak, etc. C'est le déferlement d'images atroces et d'images trash qu'on n'avait pas avant. Et qu'au fond, alors peut-être ce groupe, au Liban, l'Atlas Group aussi, ils font des choses très intéressantes, etc. Il y a des groupes d'archives et de documentation. Là où ce film m'a saisi, après on peut reprocher les choses qu'on lui a reprochées, je trouve ça extrêmement légitime parce qu'il s'interroge vraiment là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est pas la seule solution, etc. Mais en tout cas, c'est une assez belle interrogation par rapport à un discours totalement désarticulé jusque-là, où il y a les corps d'un côté ou le discours de l'autre. Bon, merci beaucoup de votre présence. Merci de cette invitation. Le sentimental, je vois pas. Dans le sentimental, je ne vois pas. Le corps des chats, Le la chose que moi je trouve que déontologiquement, effectivement, on peut trouver que c'est pas un peu génial. Je trouve qu'il y aura un autre traitement à faire sur le matin. Dire des choses sur la bande. Éthiquement, c'est bien la sincèrement. Voilà, c'est le problème, c'est ça. C'est ils sont dans un dialogue, ils sont dans un dialogue, ils ont voulu s'améliorer. Et ils essaient honnêtement, il n'y a aucune raison qu'on puisse proposer d'autres choses, d'autres formes, d'autres choses. Mais comme il y a cette activité extrêmement régulièrement, Et moi, je trouve pas que ça soit forcément la bonne chose. Sur les, par rapport à Nuit Brouillard, c'est le film de en fait, il utilise les roches sur un champ de Chester Ross et les bas. C'est des séances. On a des narratives, des mages. C'est très grave. Donc, on a soit une image en dessous, comme la mais mettre une image qui prend en dessous, je pense que c'est la plus grande danger d'aujourd'hui. Ouais, mais c'est ça. Merci, peut-être à une prochaine, en tout cas, en vous écoutant. Why not?